Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh Adrien, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. C'est marrant parce que tu parlais vraiment avec un autre style. Mais c'est ma voix radio. Là, un peu dessin animé. Oui, ouais, ouais, ouais, ouais. Et c'est un peu niqué le nom. T'as trouvé ça moins bien? Bah moi soudain j'ai vu un autre cas quoi. Ouais, l'animateur. T'es rentré dans un personnage. L'invité qui aime le plus rapidement pas l'émission. Non, ah, au bout de 3 secondes. Non. J'étais pas obligé de. C'est de l'entrée. Faire Mickey Mouse. Non mais quoi. C'est l'entrée. Après je redeviens moi-même. Nous sommes comme accoutumés accompagnés de deux invités. Tu l'as déstabilisé. Il a complètement changé du coup, il est vachement plus bas. Oui, il est plus bas. Il a même plus d'intonation. Oh non, donc c'est voilà, donc il y a Eric Judor, il y a Arthur Sanigo. Et ils ont un film, c'est Noël. Bon, voilà, allez voilà. L'épisode avec Ramzy était quand même mieux déjà. Au début en tout cas. Vous l'avez vu Ramzy? Mais oui, il est venu. Enfin, il était mieux mais il est arrivé avec 40 minutes de retard. Toi t'es arrivé alors. Ouais. Moi c'est à l'heure pas bien mais à l'heure mais désagréable avec nous. Ramzy ultra chaleureux mais d'une très en retard. Bah ça c'est les gens du soleil hein. Donc notre premier invité, il est scénariste et réalisateur. Après avoir fait ses armes chez Catherine et Liliane, il a coécrit et co-réalisé La Vengeance au triple galop. Il est aussi derrière pas mal des happenings de LOL qui ressort. Et pour les fêtes, il a décidé de mélanger patinage artistique et deal de coke dans un film de Noël pour toute la famille avec un stupéfiant Noël. C'est Arthur Sanigo. Eh bien bonjour. On s'applaudit merci. Aussi Antoine Sanigo. Antoine, je préfère qu'on m'appelle Antoine maintenant. Combinis sont trompés, ils vont m'appeler Antoine. Je vais changer ma carte d'identité. Non, tu vois bien que c'est Sanigo. Plus. Ouais, c'est plus. Ça sort plus facilement pour tout le monde. C'est mieux, c'est mieux. Tu c'est dis, ça y est, premier long, j'ai réussi. Ouais. Antoine Sanigo. Hier, bon, j'étais allez. Dans ma famille, mon frère m'a dit ça va Antoine? Immédiatement, je suis sûr que je suis mort. Notre deuxième invité, c'est une légende. Il mange des chips dans le micro, mais c'est très à la cool. C'est de l'ASMR. Le résumé serait l'insulter, alors voici une liste de choses marquantes le concernant. La tour Montparnasse infernale, H, Seul Tout, Le Vie Ma Vie de Garde du Corps, One Cops, Halal Police d'État, Indérat, Docteur Doolittle, Probré Lemos, Moot Moot, En Place, Les Pubs EDF, Platane. Être cité dans la chanson Jeune Demoiselle recherche un mec mortel de Diams. C'est vrai. Roman photo de Fab Caro, le clip des sales gosses de Dadou et aujourd'hui un stupéfiant Noël d'Arthur Sanigo. Wow. C'est Eric Judor. Bravo. Ah, écoutez, comme ça, on dirait que j'ai 50 ans. Et pas... Ouais, bah c'est non, ça. Pas. Et la 37, comme vous, les gars. T'as fait ça en cas. Je suis jeune comme vous. Bah, tu manges des chips. Yo. Tu manges des bonnes chips. Va, la banlieue, comme tous les jeunes. Des chips de jeunes. Ah oui, je suis plus sympa que Ramzy quand même maintenant. Là, ça va. Ça monte un peu. Tu redresses la barre. Alors, le jeu du Floodcast, c'est tout simple. C'est des questions en rapport avec l'actu. Par exemple, en Turquie, après 3 heures d'attente dans un aéroport, une femme a pété un câble. Qu'a-t-elle fait? Elle. Eh oui. Toi, tu sais, toi. Un truc. Non, elle est devenue barge. Sinon, c'est... Ah, tu joues avec nous. Ouais, je suis le seul. Mais je suis un peu le Olivier Mine. D'accord. Voilà. Okay. Comme mon corps en appel. Ok. Elle a pété un câble. Est-ce qu'elle a fait quelque chose d'agressif? Pas tant que ça. Non, pas agressif. Un truc marrant, plutôt marrant avec un micro. Pas avec un micro, mais plutôt marrant. Est-ce que c'est foutu à poil? Non. Non, elle sait pas. Je sais pas, c'est un délire. Moi, je serais. Ouais, dire barge. C'est marrant, regarde, elle a poil. On voit les. Ça va l'obséder? Non, je sais pas. T'aimes trop les seins, toi. T'aimes trop les seins. Toi, t'es sexuel en fait. Je les sexue, mais branleur. Bon, elle a chié. Non. Non, mais j'ai autant le dire tout de suite. Ok, chacun ses déviances. Pas du tout. Non, mais. Ouais, tu m'étonnes, il y en a un poil. Elle t'a chié dans le huc. Non, c'est ça. J'ai eu du micro dans le huc. Non, j'en suis sûr. Si, c'est bon délire, ça, non? Yvick a pété dans un des micros, mais après. Oui, c'est vrai. Oui, mais il connaît pas tout. Il est fan de. Il savait, il est fan de l'émission. Yvick a pété. Mister V a pété à plusieurs reprises dans les micros, mais pas celui-là. Tu rappelles à l'époque? Ah, l'extrait. Il l'avait fait. J'avais vu l'extrait et tout. Tu l'avais fait. Rappelle ce qu'il avait dit juste avant ce qu'il avait dit. Avant, il avait dit attention, je vais péter dans le micro. Et tout. C'est vrai. Il avait dit. Il dit, souvent il dit ce qu'il fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Un pur fan, c'est bah, tout ce que t'es. Tu m'étonnes, eh, comme moi, ouais. Ah, t'as j'ai envie de trouver, maintenant, elle est devenue barge en Turquie, dans un aéroport. Alors la Turquie, t'aideras pas. Elle a chanté ouais. Non, elle a pas c'est chanté. C'est un truc en rapport avec la Turquie. Non, pas en rapport avec la Turquie, mais en rapport avec l'aéroport. C'est un truc que tu peux faire que dans un aéroport. Que dans un aéroport. Ouais. Donc elle est sur la piste. Elle est sur le tarmac. Pas allée sur la piste. Elle est montée dans l'avion. Elle est pas montée dans l'avion. Elle a pris les petites voitures pour transporter les bagages et elle a drifté avec. Non. Bah non, si elle est pas allée sur la piste, logiquement. Bah non, si, pour porter les bagages, il y en a. Non, mais parce que comme il m'avait déjà répondu. Me contredis pas. Arrêtez, les voitures, elles sont dans le terminal, les voitures. Arthur, défends-moi. Je pense qu'elle a pris la petite voiture, elle a drifté, mais à poil. C'est pas qu'il a obsédé. Ouais, ouais. Non, c'est comme Yvick, là, tu te rappelles. Comme il a fait Yvick, tu te rappelles. Ouais, il pétait. Je crois que c'est mon micro, par contre. Il pas de péter et tout. C'était trop marrant. Attends, elle a... Mais ça, c'est une nouvelle humour, hein, d'ailleurs. Ah bah... Ouais, t'es cool, hein. Eh, putain, j'adore. Trop bien quand t'as fait ça. Ouais, je te rappelle. Alors... Attends, elle est venue... Elle a fait ça au comptoir, par exemple. Pas au comptoir. Pas au comptoir. Non. Elle a fait ça... Dans l'aéroport quand même. Dans l'aéroport. Le terminal. Dans le terminal. Quand vous prenez l'avion, parce que je sais que je suis avec des gens qui prennent l'avion, qui voyagent. Elle a bloqué une rampe de un truc de piéton là. Vous savez les rampes mécaniques là. Non. Ah oui les tapis roulants. Ah, escalator. Ouais. Escalator c'est comme ça. Tapis roulant quoi. D'accord. Non parce que moi ah, non, parce que là, nous les jeunes on dit escalator. Mais à son époque ils disaient escalier en métal. Tapis roulant mécanique. Attends, j'ai vu les premiers au bon marché hein, en 1896. Magnifique. Non, mais cela ça dit... a accéléré non, mais les ventes derrière. Ah, bah parce que les gens allaient beaucoup plus vite à l'étage. Allez au premier, maintenant ouais. Faut marcher. Non, regarde, il est mécanique. Waouh, waouh. Mais c'est une invention du diable. Ils veulent me ruiner ou quoi. Mais cela dit, t'es le plus proche de la réponse. Parce qu'on est. Avec un truc matériel, technique. Un truc mécanique. Ah, elle est passée dans l'endroit où vont les valises. Très bonne réponse d'Arthur Sanigou. À poil non. Non. Okay, non, j'essaye non, encore. Non. Non. Bah, non. Accorde-lui qu'elle était à poil, il a trouvé un bon endroit. Elle avait un sein dehors. Okay. Okay. Bien ça. On n'ira pas plus elle loin. Fait quoi non, elle a en fait, elle attendait sa valise depuis trop longtemps, donc folle de rage. Elle est allée la chercher dans le truc. Elle a perdu patience après avoir attendu en vain sa valise pendant 3 heures. Elle s'est alors mise sur le tapis roulant de distribution des bagages pour rejoindre la salle de tri. Les employés ont appelé la police qui a fini par la relâcher. Et après avoir été relâchée, elle a attendu encore une heure à récupérer sa valise. Attends, elle a grimpé. Ouais, elle est montée. Elle a fait oui, bon, allez, c'est bon, là c'est fini. Et donc elle est allée dans le, bah, dans le mais truc. Mais c'est des tunnels complètement fous, obscurs. Ah ouais, mais elle est allée là-dedans. Ah bah elle était. Non, mais toi, c'est parce que t'as vu Monstre et Compagnie. Ce qui est très chiant, c'est qu'il faut la trouver derrière sa valise. C'est pas comme dans Monstre et Compagnie. Hein, quoi? De quoi? J'ai dit, il faut la trouver derrière. Quand même, tu rentres dedans. C'est ça. C'est qu'après, tu fais face à 600 valises. C'est la mais merde. En Algérie, c'est comme ça qu'ils vont chercher les valises. En Guadeloupe aussi. Hein. T'arrives à Pointe-à-Pitre, chacun passe dans le truc là, avec les lamelles en plastique. C'est vrai qu'on est très centré sur nous. Mais oui, bien sûr. Nous, soi-disant, c'est l'aéroport idéal. Le bagage arrive sur un tapis. Pas du tout. Normalement, tu vas le chercher. Enfin, au tout début de l'aviation, comme moi, je prenais l'avion. Oui, au moment des trucs mécaniques. Et ben, on allait chercher les bagages. Est-ce que vous considérez comme des personnes patientes, par exemple? Moi, Arthur. Je suis très patient, extrêmement patient. C'est-à-dire que si ma valise ne vient pas, je peux attendre genre 4 heures en me disant non, t'inquiète, elle va 5 venir. Heures. Ah ouais, 5 heures, j'attends plus. Mais est-ce que ça, c'est... j'ai et là, vraiment je 4 pour la limiter, je mets une droite. Et là, je dis putain, je vais dans le truc, je vais la chercher et tout. Ouais. Non, mais est-ce que ça, c'est être patient ou c'est avoir peur de déranger? Non, je suis très patient parce que j'ai peur de déranger. Mais non, je suis très patient globalement. Je suis timide, j'ai une flippette. Je peux comprendre les équipes, je me dis ils ont du boulot, il y a peut-être eu du retard. Voilà, c'est ça. Je vais être très grandi dans le site. Et ça te fait pas monter en pression, quoi. Non, je suis vraiment calme. Je me mets toujours à la place de l'autre. Ouais, je suis très empathique. Et toi, tu es quelqu'un de patient ou pas? Concernant les valises? Non, en règle générale. Dans la vie. J'ai vite l'impression qu'il y a un problème. Sur un tournage, par exemple. C'est-à-dire que si soudain la valise n'est pas là au bout de 10 minutes, je dis, mais c'est pas normal, il a dû se passer un truc. Elle a dû brûler. Enfin, j'ai merde, mais appelez les secours. Je suis assez vite en. T'es anxieux, quoi. Ouais, ouais, je monte vite en pression. Sur les tournages, vous êtes comme ça aussi? Non, pas du tout. Non, sur non, tournage, non. Très à cool. Non, en revanche, je veux. Dès que c'est fini. Quand je suis certain que c'est fini, je veux rentrer vite. Ouais. Ah oui, tu restes pas là. Ah, non, je suis pas à l'ambiance de allez non. Les gars, attends, ouais, on a fait des bières et tout. Non, on fume des clopes. Ouais. Ah, allez, ciao. Non, là, je bouge vite. Toi, Adrien? Oui, je pense. Mais il tourne pas, lui, si? Si, attends, je rigole. Oh, rigole, oh, là, là, oh là là. Oh, mais attends. Les gars, tiens. Chèque, il rigole. Il a écouté tous les épisodes. Il sait très bien que je suis acteur aussi. Le 5, le 16. On a failli jouer dans le même film en plus. Quand il pète dans le micro. Oh, bah merci. Oh, il y a du. Non, je devais être dans Anti-Gang 2. Ah bah je savais pas moi. Bah voilà, je te donne l'info. Ah si tu m'avais dit, oui c'est vrai. Bah ouais. Place dans le banc le noir en plus. Ouais, je suis ah non, je suis comédien. Acteur. Ouais. Pas mal. Un petit tu peu. Tu connaissais pas putain. Tu fais quoi. Si, si. Attends, il a vu tous mes films. On fait une photo ou pas? Vas-y. Allez. Oh, allez. Un peu flou, mais bon. Tac, Instagram. Venir, en fait, là, c'est souvenir pour Instagram, toi. C'est trop con, Instagram, en fait, là. Mon pote. Ouais, pas de mal pour toi. En story, hein. Tu me tags. Vas-y. Il l'a fait vraiment. Oh, il fait la photo. Waouh, avec un. Attendez. Ah, nous, on est pas dessus, par contre. Ah non, c'est lui. Il est... Non, mais ouais, je suis un peu là aussi. Voilà. Mais toi, t'es pas acteur. Non, non, je suis pas acteur. Non, mais tu veux une photo? Non, non, tout cool, moi, j'ai pas besoin. C'est lui qui fait les photos. Non, non, c'est bien, j'ai pas besoin. Tout va bien. Tu pourras me taguer parce que tu connais mon nom et tout. Redonne-moi ton nom vite fait. Ah, tu sais, c'est le générique des films que t'as vu là. Il s'appelle Antoine. Antoine. On met la malédiction sur quelqu'un d'autre. Avec le copain d'Alban Lenoir. Allez, tac, Instagram. Au Canada, quelle loi va entrer en vigueur concernant les bibliothèques de Montréal? Waouh. Un peu, évidemment. Plutôt farfelu, si je peux utiliser un terme un petit peu. Ah ouais, c'est suite à des problèmes qu'ils ont installés. Ils ont eu des soucis. Ils ont tu des dois soucis. Prouver que t'as lu le livre. T'as, pas le droit de t'as plus le droit de baiser dans les. Dans les ouais, les alors livres. Qu'avant, c'était tellement c'est... cool. Ouais, c'était open. Nombre de fois où j'ai baisé au Québec. Ah, laisse tomber. Non, non, tu... alors cela dit, si, je pense que c'est interdit de baiser, mais c'est pas est-ce un truc. Est-ce que c'est pour pallier le fait que des gens ne rendent pas les livres? Non. Des gens rendent les livres en retard? Non. Ils rendent les livres abîmés? Non. Ils rendent les livres, mais ils ont tout réglé. Il est sur une lancée, continue avec les livres. Ça n'a rien à voir avec les livres. Ok. Mais c'est une librairie, on est d'accord. Une bibliothèque. Ouais. Est-ce que c'est parce que les gens y vont pour rien? Parce que moi, c'est library. C'est acteur. Ah oui, mais t'es aux States. T'es aux States. Moi, library, ça veut dire. Ah, là, j'étais déjà dans le pays. T'as déjà joué aux States? Ouais. Non, ouais. Non, pas du tout. Bah non. Non, non, pas du tout. Pourquoi pas? T'es un physique d'acteur. Moi, tout de suite, t'as joué aux States, là? Bah oui, il a joué aux States. Ouais, j'ai fait deux films. Bah ouais, Wrong Cops. Wrong et Wrong Cops. Et steak. Mais faut que ça commence par wrong, sinon par contre, sinon, il faut pas ouais. Wrong steak. On va proposer Die Hard. Moi, je lui avais proposé Wrong Christmas. aux États-Unis. Die Wrong. En fait, non. Non, c'est pas rien à voir avec les livres. Rien à voir. Avec une bibliothèque. Est-ce que les gens ils vont pour rien foutre, tu vois, ou un truc comme ça? Ah non, non, non, tu peux y aller pour rien foutre. Ok. Mais t'as le droit de parler, par contre. T'es obligé de parler maintenant. T'as pas le droit de dormir. Alors, pas le droit de dormir, c'est possible aussi, mais c'est pas la réponse à ma question. Est-ce que c'est par rapport au, un truc de comportement des gens quand ils sont dans la bibliothèque? Farfelu. Ouais, c'est un peu farfelu. C'est un peu farfelu. Alors, c'est pas vraiment un truc de comportement, c'est un truc de, bah ouais. De toi-même, ouais, ce que tu es. Oula, wow. C'est, non, c'est pas la interdit. Couleur au... de peau. Ouais, non, non, t'as pas le droit d'être déguisé. C'est pas mal, mais c'est pas ça. J'ai adoré. C'était même si c'était pas la bonne, c'était le bon truc. J'ai trop. Ça veut dire que je participe et tout. Non, c'est. Ouais, j'ai tu vois bah, de manière, le floodcast, j'adore. Ramzy, il était pas du tout sur le truc. Pas. Tu vois, Nabil, il blaguait, c'était autre chose. Mais là, toi, t'es dans le truc. Insupportable. Non, bien, mais un autre style. Ça me dégoûte. Là, tu vois, t'es dans le. Ramzy. T'es hyper bon public, toi. Bah, j'adore. Je suis fan, j'adore. Je suis au paradis. Donc. C'est un truc plutôt corporel. Plutôt corporel. Corporel. Corporel. T'as corporel. Pas le droit de venir tatouer, pas le droit. T'as le droit, t'es obligé de te laver. Alors t'es pas obligé de te laver ou je sais pas quoi, mais pas le droit de mettre du parfum. Non, non, c'est interdit aux gens qui puent. Waouh. Ah, tout simplement. Mais interdit. Ça devrait être tous les lieux, non? Oh, enfin, mais non, mais c'est surtout. Parce que c'est pas subjectif. Moment, oui. On décide que ça pue. Il y a des c'est portiques ça, ouais. Avec des nez dessus et tu passes. Et... Ça, il y a un gars qui te sent, il te fouille, il te sent après. Ouais. Ah, chaudard. Juste, tu passes machine, entre deux mecs accroupis comme ça, entre les narines. Bah, il pue. Bah, il pue, non, il rentre pas. Hein. Il est formé à ça. Il est formé, ils l'ont entraîné. Bah, ouais, non, la mesure doit être en vigueur en janvier prochain. La municipalité modifie le règlement intérieur des bibliothèques. Eh ben, Ramzy pourra plus jamais la zone. On est en bibliothèque. Oh, est-ce qu'il y allait souvent? Le classe. L'attaque frontale. Attention. Il a pas dit du mal de toi. Les articles pure people. Pas pour comparer, mais. People. J'étais méchant. C'est bon. Moi je dis à mon avis c'est un peu. Moi j'ai de la fièvre, j'ai le droit. Waouh. Je suis bibliothèque compatible. Je suis sûr que c'est un truc pour une excuse pour pas qu'il y ait des SDF qui viennent. Ah, tu crois que c'est un truc comme ça? Bah, je pense. La presse locale indique qu'il sera désormais interdit dans l'établissement d'avoir une hygiène corporelle qui incommode les autres usagers. C'est-à-dire que si tu pues, mais que personne le dit dans la bibliothèque, normalement ça va. En revanche, t'as le droit de dire excusez-moi, il pue. Ouais, et là dans ce dénoncer, cas-là, quoi. Ouais, tu peux dénoncer les gens qui moi, puent. Moi, ça cache un truc. Non, mais cela dit, le projet se prévoit de sévères sanctions en cas d'infraction. Lors de la première expulsion, une amende sera infligée à hauteur de 350 à 1000 dollars. Et en cas de récidive, non, là, c'est-à-dire si tu dis ah ouais, je pue, et bah je retourne lire des bouquins, les gars. Non, et bah ça peut monter à 3000 dollars. J'imagine le pauvre gars qui a sa salle de sport à côté de la bibliothèque et tous les jours il va au sport et se dit je vais me récupérer un bouquin et tout et je vais passer par la bibliothèque tu vois, il est obligé de repasser chez lui pour se doucher, se parfumer et revenir à la bibliothèque alors que c'était à côté. La rien de pour temps. Ce mec merci la loi, hein, merci, gentil, Canada, merci la loi 350 dollars pour perdre du temps en plus. Dans les c'est bibliothèques. L'inverse des escalators, ça fait perdre du temps. Ouais. Nul, ils ont rien compris. Est-ce que vous, il y a un défaut chez les gens qui peuvent vous bloquer? Genre donc des gens qui puent ou des gens qui parlent trop près du visage, des gens qui ont des voix de dessin animé quand ils lancent une émission de... Est-ce qu'il y a des gens retour de boomerang, des très exemples qui peuvent... Tout ce que j'ai dit depuis le début va être mais ils sont trop minutieusement analysés. On sent qu'il a traduit la flamme. Quand Eric arrive, il m'a dit, ah, tu fais quoi d'autre? J'ai écrit la flamme. Il dit, ah, tu as traduit. J'ai fait non. Non, mais parce que ça vient des États-Unis. Ah oui, l'adaptation, et, tu voulais dire. Et j'ai dit, non, j'ai pas que traduit. Il y a aussi beaucoup d'improvisation des acteurs. Ouais, voilà, c'est pas que ça. Non, est-ce que vous, il y a des trucs comme ça qui peuvent vous incommoder, des trucs de la vie quotidienne? Arthur, oui, beaucoup. Non, comme t'as vu que je suis pas impatient et très sympa avec tout le monde, je vais toujours chercher une manière de comprendre ce qui va pas. Donc si quelqu'un est plus, je serai là, ah, le pauvre, ouais, il avait sûrement la salle de sport à côté de la bibliothèque, il a pas eu le temps. Non mais si, une mauvaise odeur, genre mauvaise haleine, mauvais truc et tout ça, le truc d'hygiène, ça peut vraiment m'énerver. Ça, ça t'énerve, mais des fois c'est pas énervé, des fois juste ça te bloque. Non, ça me bloque, c'est-à-dire que je vais penser qu'à ça, il va me parler, je serai là, oh là là, non, je veux pas. Parce que des fois la haleine, il y a des trucs qui viennent vraiment des très fonds qui disent quelque chose de l'intérieur. C'est le corps qui parle. Il est pas d'accord. C'est l'âme. C'est quelqu'un qui a un mauvais fond. Littéralement. Toi, Adrien, t'as ça? Oh, il y en a. Attends, Eric, tu voulais dire? Moi, j'ai oublié. Je me laisse du temps pour réfléchir. T'avais pas. J'ai pas de. Non. Mais je suis un peu comme Arthur là-dessus, des gens qui ont mauvaise haleine. Ouais. Ou qui sentent mauvais. Vous voulez me dire pour moi. Ah non, t'as pas. Ils ont des circonstances atténuantes et puis ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Ouais, vous êtes des gentils en fait, c'est ça que vous essayez de me dire? Ouais, vous êtes des gens super. Ah, du coup, non, si mais on est des gens qui avons déjà pué en société, oui, qui avons déjà eu mauvaise haleine en société. Et donc, bon, ça peut être pas de bol. Ce qui est terrible, si c'est la personne récidive, effectivement, une, deux, trois, quatre fois, là on se dit. Une amende. Là, je lui dis, moi, généralement. Ah oui? À la personne, ouais. Mais toi, on sent que tu dis les choses. Ouais. Quand quelqu'un a quelque chose, machin, je pense ouais, que tu lui dis les choses. Assez épiés. Dis les termes. Ouais. Non, mais pour briser le truc, en fait. C'est pour pas qu'il y ait, parce que tout le monde pense. Genre, oh là là, sa moustache, elle lui va pas du tout, elle lui va pas du tout. Quoi? Et quoi, moi, quoi, tac, je lui dis, dis donc, t'es sûr pour la moustache? Quoi? Et là, hop, le mec, on se met. Mais tu dis ça pour. Ouais, j'essaie d'imaginer, parce que c'est. On est dans l'abstrait là. Ouais, là, c'est pour. C'est une phrase, c'est un truc Monsieur genre, si X, tu. Ouais, voilà. Adrien X. Ouais. Ok, d'accord. Monsieur A. Ok. Comment ok, d'accord, je vois. Donc tu le dirais quoi si ouais, t'étais dans le truc. Évidemment. Okay. Ah ça par contre en face oui, à face. Oh là là. En ah mettant oui, en touchant l'épaule du mec. Ouais. Ok. Moi c'est ta cache. Ok. Ouais, putain. Je m'arrête pas à la place du mec ah à qui non, tu lui dis ces quatre vérités. Hein. Je veux dire. Les quatre vérités en pleine gueule. Il en prendrait plein de la gueule Adrien. Ad. De quoi? Non, un autre Adrien. D'accord. Ouais. Non non. Un Adrien qui est mon nom mais après c'est pas. C'est pour que ça me parle, que je comprenne bien qu'il a mon prénom quoi. On va pas non. Juste assis à côté de moi. Ouais. Hein? S'il, on enfin, imagine. S'il était. Ah bah là on est imagine dans le... ah, la fiction. Imaginez. Ah, j'adore écrire. Ouais, ok. Ouais, j'invente des histoires sans arrêt. c'est ma passion. C'est des conteurs modernes. Et est-ce qu'en règle générale vous êtes à l'aise en société? Ah non. Parce que par exemple. voilà, je m'entends voilà, voilà. Non mais par exemple Eric, on t'a en télé ou en chose comme ça, on a pu te voir. J'adore la télé. Mais c'est vrai. Mais t'as j'aime briller. T'es un gars de la lumière. Ouais mais t'as un enfant. T'es un poil à gratter quand même. Ouais. Ah oui. Par contre hein, moi s'il y a quelque chose qui va pas chez l'invité. Waouh. Hey, Stéphane Guillon là. Tes blagues ça va deux secondes. Ce serait bien de se coiffer un jour. Et bam. Bam. On va se raser un jour la barbe de 3 jours. Ça y est, c'était il y a 20 ans. Là les animateurs ils disent de toi, mais c'est un grand malade. Ils disent c'est un grand malade. Il est ingérable, il va faire des bêtises. Ah ouais, il est fou. Laurent ingérable. Il va jeter. Wow, j'adore. Laurent ingérable, imitateur. De bon, je sais pas. Je tente. Il a été chippy. Bah, je me chauffe quoi. Laissez-moi faire, merde. Je repensais, j'imaginais le gars qui avait la moustache là de tout à l'heure. Ah ouais, le monsieur con ah, là, oh là, là. Le con que c'est, le gars. Un personnage fictif. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, non. T'imagines s'il était à poil. C'était pour le mettre dans la situation. Ah ouais. Ah, avec, un micro dans le cul. Ah, ouais. Ah, le gros ventre qui l'aurait. En train de glisser tout doucement. Ah, il baiserait pas beaucoup, moi, je pense, ce mec. À mon avis, il baiserait vraiment peu. Oh. Ça ferait des très longtemps, des je pense. Drift. Une petite voiture d'aéroport. Là, c'est le truc que j'ai dit, ça. Ah ouais. C'est le truc que j'ai dit, ça, mec. Qui chope le truc en cours. Oui, non. Comment on, personne on chope en cours. Bah, c'est un podcast, t'écoutes souvent depuis le début. Ouais. Ça très bizarre que le mec, vraiment, il. Il avance à une demi-heure. Après, tu sais. Non, mais tu peux mettre en vitesse rapide quand même. Le truc, non? Ouais, ouais. Après, parce que ça va déjà vite la remarque. Ouais. Si tu meurs, ouais. C'est déjà là pour moi, déjà c'est indigeste. Oh, mon pauvre, écoute l'épisode avec Ramzy, tu vas, ça va te détendre tout de suite. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah, il a ouvert un livreur Amazon qu'il a fait asseoir au micro. Ah, super. Ouais, donc il est proche des gens, c'est ce qu'il nous a dit. Proche des gens. Tu sais que tout ça c'était écrit par le traducteur de la flamme. Ouais. C'était un gag anglais. À la base, dans un autre podcast tout anglais. Enfin, mais bref. Est-ce que t'es à l'aise en société, en règle générale? Plutôt, j'ai l'impression. Ouais. Ah ouais, t'es à l'aise. Ouais. T'as raconté récemment dans l'interview que t'avais fait des vannes alors qu'il y avait Neymar et que, genre, on t'a repris, tu t'es fait engueuler non, par Mbappé. Non, c'est Mbappé qui m'a. Ouais. C'est ça. Enfin, il m'a glacé du regard, ouais. Ah ouais? Ouais, il me dit, ouais, t'es gentil là avec tes vannes, vas-y, va. Arrête. Va à une autre table. Enfin, ça y est. Ah ouais. Ouais, tu as avec ta moustache. Je hein. pense. Attention, parce que là, il m'a rien dit de spécial, ça. Mais juste jeté un regard. Comme t'as compris. Comme, mais ouais, quoi, j'ai comme compris. Blague. Que, enfin, déjà. Tu peux pas le répéter? On peut la biper. T'as dit, non, hey, moi j'ai vu ce que tu blaguais sur ça, Neymar. Non, je blaguais sur Neymar. Ben, Neymar, il était sur scène et il avait son enfant dans les bras, il chialait d'émotion et tout ça. Et j'avais dit, putain, ça se voit, c'est des fausses larmes et tout. On lui a rajouté un truc et tout. Et ça a pas du tout fait comme vous à l'instant. Ça a pas du tout fait rire. Non, non, mais c'est non, mais fallait mais y être. Peut-être il avait moustache Neymar. Peut-être que j'ai avané. Monsieur A. Comme Monsieur A. Et la vanne n'est pas très bien passée, je pense. Ou alors peut-être qu'il a pas entendu, hein. Enfin, je pense que si. Quand ou alors même. Non, il était parce bon que je m'adressais à lui quand même. T'as vu quand même. Ou alors quand il est mort de rire, quand même dit son nom quoi. Ou alors quand il est mort de rire, sa bouche est vraiment très très droite et inexpressive et les sourcils froncés. Non, je pense pas. Je pense que je suis pas sa cam en humour. Mbappé. Je pense qu'il est très Jamel. Il est très très Jamel. Ah ouais. Ils sont très proches. Mais je crois que moi, ça. Arrête, pas... dis pas ça. Oh, les gens, tu sais, la France t'adore. On l'appelle. Mais la France t'adore. Tu sais quoi, je l'ai là. On va l'appeler maintenant. On l'appelle. On va arrêter. C'est scripté, ça aussi. C'est qui je fais pas bien l'imitation. Toi, Arthur, tu es à l'aise en société? Non, je suis très mal à l'aise, moi. Ah ouais, c'est très drôle de me voir en soirée, un truc comme ça. J'ai un body language qui est fou. Je m'excuse d'être là. Je peux mettre derrière une porte que je sais pas que c'est une porte. Elle se ferme sur moi. C'est tout qui est chaotique. Je vois, je cache mes bras, ils sont lourds, je les mets sur les hanches. Tout est un corps qui est pas bien dans l'espace. Mais ouais, c'est marrant parce que quand tu fais, quand t'écris sur LOL qui ressort, par exemple, quand t'as des idées happening et qu'il faut les proposer à des gens connus que tu connais pas, ça va, t'es à l'aise. Non, quand c'est dans le taf. Il y a un tampon, il y a des gens entre lui et les artistes. Ouais, quand c'est dans le. Il y a un traducteur. Ah, pas directement. J'ai une idée, mais pas du tout. J'ai une idée, dis-lui toi, parce que j'assume pas. Non, franchement, je crois que tu l'écris. Je crois que je vais lire à la bibliothèque. J'écris, je lui mets, il récupère après en une petite boîte à idées. Dehors, dans le jardin. Chercher. Non, quand c'est dans le taf, j'ai pas ça. Ah oui. Quand je dois rencontrer des acteurs, des actrices, je suis pas stressé. Je suis assez à l'aise et tout. Sur les plateaux, tu vois, j'ai pas de trucs. C'est vraiment de la soirée, de l'avant-première, du la machin vie, comme ça. Vie, où, ouais, où t'es regardé un peu, je suis tout d'un coup, mon corps il réagit bizarrement. Je suis comme ça, je suis pas bien. Alors qu'au basket, une grâce. Fluide. Ouais, j'aime pas l'attention, j'aime pas la lumière sur WAM. Ouais. J'aime bien être dans l'ombre, faire des passes-dés, tu vois. Alors qu'au basket, Adrien, il sait, je suis fluide. Ouais, le corps fluide, est fluide, c'est incroyable. Tigre Sanigou, on m'a dit qu'on t'appelait Tigre Sanigou. Petit tigre, ouais. Ouais, depuis longtemps, ouais. Il a un très bon choix. Tu veux pas prolonger la conversation? Tu veux. Il fait que des réponses fermées. Fermer à chaque fois? Non. Mais si tu veux, moi possible. J'arrête de te poser. Non, arrête, Eric. La France t'adore. Pose ce couteau, Eric. Je suis en train de. Il est en train d'essayer de l'attaquer. Attendez, ça va. C'est pas Mbappé, c'est pas Mbappé. Non, il le surine. Il le surine devant nous. Je sais qu'on est avec pote. Il lui coupe la moustache. Tout en l'air là. Il embrasse. Tout en l'air. Et voilà. J'avais des donuts, il déteste ça, il n'aime que les chips, j'ai tout foutu en l'air. Je voulais m'en faire un ami. Je non, mais quoi. Tu me dis si tu veux que je pose des questions. Non, il y a un excellent shoot, Adrien. Je pensais que c'est que dans un sens. Et toi, tu joues au tennis, tu veux. Eh ouais. Et joue au basket aussi. Eh bien, ah, tu non, joues au basket. Moi, je joue au basket. Oh, eh, tu vas venir la prochaine Non, il veut plus jouer. Ok, il cool. Dit, plus. Non, j'ai des hanches. Il joue toujours au basket. Bah, non, il veut plus il jouer. Petit, bon, non, il a un petit shoot et tout. Il a des petits dribbles. Ouais, petit dribble. Petit dribble. Moi, je suis pas très bon en dribble. Je suis mais. T'as un très bon shoot. Un shoot très régulier. C'est vrai. Ouais. Pas mal, pas mal. Ça plante. Non, bon shoot régulier. Bling, bling, bling, bling. Ça c'est Crazy Frog par contre. Ouais, c'est ouais, par bring, contre. Bring. C'est quoi comme filet que t'as? Bring, bring, bring. C'est des briques en cristal. C'est un filet de briques. Non, tu sais, avec des petites ficelles, avec des bouts de verre. Bling, bling. Je prends bling, bling, panier. Je prends bling, bling, bling. C'est comme... dribble aussi. Gong, tiens, je fais des dribbles. Ah oui, et tout c'est comme ça, là. Des dribbles avec son tambour. Badoum, badoum. Après, je fais une passe. Anthony Cavana est de retour. Très bon en onomatopée, peut-être. J'ai jamais joué au basket, ok. Je connais pas les onomatopées. Ok, j'avoue. J'invente. J'ai juste vu dans Tommy Jerry. Il shoot au buzzer. Yeah! Ouais. Que les mauvais sons. Yeah! C'est la mi-temps. Il fait une faute, l'arbitre il siffle. Attention! Il va siffler très bizarre. Alors c'est bientôt Noël. Bah, mais tu m'étonnes. Oui. Tu m'étonnes. Ça passe quand ça repassera. Ça sort lundi ça. Ça sort lundi. Wow. D'accord. Juste pendant la semaine de la sortie de Un stupéfiant Noël. Ah, bien sûr. Et il y avait à Saint-Denis récemment le Millipol. Le Millipol. M-I-L-I-P-O-L. Un salon international. Mais je vous demande un salon international de quoi? Du Noël. Tu te souviens de Billy Paul? Non, ouais. C'était qui? It's a little bit funny, Mrs. Jones. Et c'est un festival de ça? De lui? Non, c'est que de Billy Paul, ouais. C'est que des petites figurines c'est que j'ai dit. Des Billy Paul. Les Billy Paul. Oh! Ah quoi, ça va hein. Ah bah non, mais on prend. Je suis pas bon en onomatopée, mais je pousse un Est-ce petit peu. Est-ce que ça a un rapport avec le titre ou pas du tout? Oui, oui un petit peu, mais. Ah, attends, Paul, Paul Nord, les lutins. Non, Mini Paul McCartney. Non, pas Paul McCartney. Non, pas le côté Paul. Mais Paul, côté... c'est plutôt le côté Millie, côté Millie. Plutôt le côté Millie. Ah, mais c'est Paul ou Paul? P-O-L. C'est Paul. P-O-L. Millie Paul. Millie Paul. Millie Paul. Millie Vanilli. Non, rien avec Millie Vanilli. Millie. Millie. J'ai rien en magasin. Attends, attends. Mais c'est un rapport avec Noël. T'as dit, c'est bien. Alors militaire, militaire, militaire. Ah, militaire. On s'approche. T'as introduit le truc en disant, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël parce que justement, ils l'ont un peu vendu comme ça en disant, c'est le moment d'acheter des trucs. Ah, le salon de la torture. Alors on s'approche. Quoi? Ah ouais. Ouais, il y a un truc comme ça. Salon militaire. Dans les salons militaires, t'as des corners torture. Bah, c'est bon délire. Pour Noël, j'imagine le truc. C'est-à-dire, alors, cette pince est excellente, cette pince, parce que la plupart des pinces, au bout de 4 doigts, normalement, elles se resserrent. Oh, bah, je vous en prends 10. Je vous en prends 10. Je vous fais ça à Noël. Tu te rends compte qu'il y a des corners de trucs de torture, d'accessoires de torture. Je suis trop naïf. Et c'est les ministères de la Défense qui vont visiter ça de tous les pays. Oh, j'adore ça, on va en prendre 10. On va torturer en famille. Et comment tu sais? Ah ouais, torture. J'ai vu un documentaire et je suis passionné de torture. Ah ouais. Tu es fou, ça fou et de le torture. Surf. Non, c'est mes deux passions. Je suis dingue de surf et de torture. Alors non, là c'est. Mais tu t'approches avec le militaire, côté militaire. C'est... Milice, c'est pour militaire ou pas vraiment? Je sais de pas. Milice. Aucune idée. Non, non, pas milice. Un truc de protection. C'est la bonne réponse. C'est le Salon international de la sécurité et de la protection. Oh. Où on pouvait trouver des objets extrêmement sympas comme des lunettes de protection pour chiens. C'est-à-dire que c'est des lunettes de protection que tu mets sur un chien et que le. Bah oui, a... si tu gazes tout le monde. Bah oui, ça. Il a deux chiens, Arthur. Ton chien, il est peinard. Fou de chien, comment s'appellent tes chiens? Aya et Mario. Sublime. Magnifique. Par rapport à la chanteuse? Et là, je viens. Non, Aya. Non, Mario de la Starac? Par rapport à Mario de la Starac? Non, du tout. Par rapport à Mario comme le prénom italien. Oh. Et Maria. Comme... Et Aya, non, Aya, ça oui. S'écrit H-A-Y-I-A. J'ai tout compliqué. Ah ouais. Ah ouais. Ça, les gens le savent. C'était avant la chanteuse. Hein, ça, les gens le savent pas quand tu l'appelles dans la rue, comment c'est écrit. Ah, Aya avec un H, oui. Là, s'il te plaît. Rien à voir avec la chanteuse. Très célèbre. Pas du tout, aucun rapport. Jugez pas. Bah, y avait énormément de choses, parce qu'il y avait aussi des parapluies par balles. Et alors, un truc qui apparemment a fait fureur, les BMW de pompiers. Quoi? C'est comme un camion de pompier, mais c'est une moto BMW avec un petit tuyau d'arrosage. Qui relie, mais que n'importe qui, tout un chacun peut non, acheter. Non, non, non, okay. C'est là pour le coup, c'était pour des pompiers. Attends, c'est pas arrêté sur le parapluie non, mais... par balle. Parapluie par balle, à quel moment comme ça tombe dans le bon, c'est, ah, si jamais tu te fais tirer dessus, quand il pleut. Si... Oh non, il fait un grand soleil. Oh, mince. Oh non. Si seulement il avait plu, je serais sain et sauf. J'aurais eu mon parapluie, merde. C'est pour les gens qui marchent dans les canyons. Putain, c'est génial. Parce que ça tire de au-dessus. Ah oui. Donc les mecs sont clac. Après, ouais, tu connais le salon de la torture, toi. Bah oui. Ouais, ouais, j'étais au salon de la torture. Je suis passionné. Attends. Pur taré. On parle d'un passionné. Attends, mais il a un flingue. T'as un flingue. Waouh. Oh non, c'est mon flingue à énergie solaire. Il fait pas moins. Ils sont que les trucs qui marchent pas. Tout dépend du temps. Non, mais le parapluie, c'était une arme depuis. Parce que moi, je vous parle des années de guerre froide. Bien sûr. C'était une arme dans laquelle on mettait des petits poisons, hein. Le coup du parapluie, c'est, oui, c'est bien sûr. Alors, ferme ta gueule, Richard. J'engueule pas, j'engueule pas. Je connais. J'engueule pas. On a le droit d'apprendre à tes côtés sans que. On peut rien être respecté sans avoir vu tous les pierres Richard. Un prof, super à chaque fois que tu transmets ton savoir, tu t'énerves. Toujours la même chose. T'as pas d'enfant. Une info, une claque. Je comprends Mbappé, tu vois. C'est vrai, moi, mal regardé. Non, je te jure. T'as fait un petit gêne, genre. Calmos. Non, même pas. Calmos, je dors. Parce qu'il était un peu devant. Calmos, wow. Je dors. Genre une épaule devant. Et c'est juste tourné comme ça. Il a fait. Aïe, aïe, aïe. Et après, tu sais, c'était vraiment ferme ta gueule. Mais ça, en plus, quand tu fais des blagues, t'es lourd. C'est vraiment le plus blessant, je trouve. Ouais. Les mecs qui. Tu sais, genre, pas très marrant je ce que tu fais. Je me suis senti soudain vraiment un enfant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que après, ça t'a calmé ou alors t'as. Non, ouais, parce qu'après. Tu m'as fait deux fois plus. Non, oui, ça aurait été mon attitude à une époque. Si t'avais été avec Ramzy. Oui, alors on serait allé au bout du truc. Mais là, jusqu'à la bagarre. J'ai juste ravalé ma salive et puis je suis allé m'asseoir à ma table. En attendant que le dîner reprenne. Servi de la badoie. Ça va ? Ça va, Eric ? Non, c'est non, bon. Non, mais bon. Ça va. Bon, apparemment, j'avais le regard. Les gens, ils rigolent trop, mais ils rigolent trop mes blagues. Les gens, ouais. Ça m'a saoulé. C'est le mec bout en train au début, puis après ce passage, mais complètement plus, renfermé et tout. J'aime bien que tu te sois levé. J'ai pas faim. C'est ouais, Eric dehors sous la pluie là. Je suis parti. Tu fumes dehors. En plein milieu du repas, je suis parti. Je suis assis en tailleur dans le jardin. Il faisait moins 4. Mais tranquille. T'es bien que tu te sois levé pour faire des blagues et après t'es revenu, mais triste, tu vois. Non, non, mais, non, mais ils ont bien. Je sais pas si ça vous fait pareil. Ça vous fait pas pareil à vous? Quand on fait des vannes et qu'on a l'habitude que les gens rigolent, soudain on en fait 2-3, ça passe pas, on perd complètement pied, ah bah, on remet tout notre humour en doute. Non, bah, moi, c'est plus que l'humour, tout ouais, ton être, quoi. Ouais, parce que t'as basé que ta vie sur l'humour, mais oui. Donc tu dis, ah, vous me trouvez pas drôle? Bah, ouais, je m'en vais. Bon, bah, parce que j'ai rien de plus à apporter à cette c'est table. Mon soldat. Bah, désolé, là, j'ai aucune culture, je suis une coquille. Je suis une coquille vide maintenant, donc. Je suis pas vraiment bon en chanson. Ouais, c'est ça, hein. Bah, ça m'a fait ça. Ouais, bah, je comprends. Regard Mbappé m'a fait un. Eh ben, t'es rien du tout, tu sais rien faire. Allez, je vais bouger, moi. Il c'est a dur, 20, un gros 22 four, ans, c'est dur. Ça, ouais, oh, j'en avais déjà tout plus est de, dur, plus ouais. De 60. Ouais. À le moment de l'anecdote, j'en avais plus de 60. Ouais. Juste au regard, hop là. Avec ton petit cartable. Ouais. Non, t'es un baluchon. Mon chauffeur m'attendait dehors. Avec un baluchon, ouais. Un bâton comme une ça. Une calèche. Je suis reparti en calèche. Au coucher du soleil, tu sais. Allez, viens, gamin. 12 avenue des Champs-Élysées, et vite. Oh, oh, il a dit son adresse. Il a dit l'adresse. Ça ira mieux demain, gamin. Ah, il est riche. Au bois de Boulogne. Oh, waouh. Wow. Ouais, c'était ça. Hein. Alors, au salon de la sûreté, on peut y trouver des gens angoissés, et il y a ce fameux cliché. De l'humour. Sur les noirs ? Non. Wow. Sur l'humour. Ah, sur l'humour. Ah oui, sur l'humour. Oui. Sur l'humour qui dit les humoristes sont des grands angoissés. Et j'ai l'impression que vous ne vous inscrivez pas là-dedans quand je vois un peu ce que vous faites à droite et à gauche dans, bah, dans vos créations respectives. Bah, ce qui est rigolo d'ailleurs, Eric, parce que tu as fait Problemos, ce qui est quand même un truc de fin du monde, de pandémie et tout. Et pourtant, il n'y a pas ce truc-là d'angoisse. Non. Bah t'as dit quand même que si ta valise elle arrivait pas tu transpirais, oui, quoi. Oui, mais c'était Flipette. Pas ça la question. C'était d'être Est-ce que tu es angoissé et est-ce que c'est un truc qui nourrit votre comédie? Non, moi ce que je réfléchis aux œuvres que j'ai écrites qui sont parties de moi de zéro. Par exemple Platane, je cultive du malaise. Et ouais. Je suis très très sensible justement au regard d'Mbappé par exemple, ouais. Tu vois, très sensible au moment où soudain je capte qu'il y a un gros flottement. Je suis très sensible à ça et du coup, ça peut me mettre beaucoup plus mal à l'aise que n'importe qui d'autre. Ouais. Et du coup, j'ai tiré cette ficelle-là dans l'humour. C'est ça. C'est ma seule réponse normale de tout votre wow. Je vais vous le dire. T'inquiète, là, on va te choper. Allez, fais le chat, fais le chat. Oh ouais, fais le chat. Fais H. J'hallucine. Il a fait à chaque fois, il a fait. Le relou, le petit singe savant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Allez, les putains, demandez-moi les chaussures. Fais la pute, hein. Oh, tu es trop lourd, dis donc. Les putains aux chaussures. Et toi, Arthur, quelqu'un d'angoissé? Pas du tout angoissé. Comment ça, pas du jamais, tout? Jamais, je suis jamais. Méga zen, non, ouais. Ça, c'est vrai. Je stresse ah ouais, pas. Mais non. En soirée, tu dis que t'es quand même mal à l'aise. Non, je suis angoissé dans des endroits où tu dois pas être angoissé. C'est-à-dire qu'en soirée, je vais être en angoisse. Ouais. S'il y a du monde, si tout le monde parle, bah, faut être cool. Faut un être... peu. Là, ça me fait de l'angoisse. Non, ouais. Il a raison. Mais moi, sur ça un fait plateau. Un an que je le connais, je l'ai jamais vu angoissé. Non, c'est une bonne année. Hein. C'est un an. Un an. On se connaît vraiment hyper bien. Et hop, moi, la grippe. Non, je suis pas angoissé. En fait, pas avec le métier qu'on fait et tout ce qu'on vit. Tu vois, c'est quand même du confort tout le temps. Tu vois, il y a zéro moyen. T'as plein d'interviews de gens qui se jouent un peu, mais qui c'est du non, non, je vais prendre un coca. Bon, bah vas-y. Ah, bah, c'est voilà. Dans le frigo, fais comme chez toi. Je vais parler de mes angoisses. Je comble un peu. Et là, ça m'intéressait. Alors, c'est comme la cuisine là-bas. C'est comme la cuisine. Voilà, c'est ça. Putain, il est adorable, mais c'est. Ouais, ouais, non, je l'ai eu pendant un mois et demi sur ouais. Un tournage. Ouais, mais tu voulais ramener, disais. Tu m'avais dit. En plus, j'avais une moustache quand je l'ai eu. Il a pas arrêté de me critiquer. Ah, il entend ouais encore. Il est trop, t'es trop fort, Eric. Je voulais Ramzy, ouais. Je voulais Ramzy. Je ça, vous ouais. Dis maintenant qu'il est pas autour du micro. Ouais, non, mais c'est un enfer. Parce ça, que nous, déjà, c'était. On essaie de remonter. On avait coupé. Non, quelle chance d'avoir eu Eric dans ce. Fais le tour Montparnasse. Ça va. Waouh, c'est de toute beauté. Putain, il le fait encore bien. Fais le steak. Long steak. Long steak. Long steak. C'est trop compliqué les mix maintenant. Ça va, t'es pas bien, tu t'en mais pas tu t'es bien. Non, je me suis taché, on a quotidien après. Et tu veux un t-shirt? Voilà, c'est typiquement un truc où je m'angoisse. Mais ah y a, ouais. Y a, Il y a un Uniqlo pas loin. Si si, on va, je vais aller racheter un Uniqlo. Bah oui. Tu veux des c'est fringues un Uniqlo, ça. Non, non, c'est Uniqlo. En fait, on a le même t-shirt. Arthur, ouais, tu veux des fringues? J'ai plein de fringues. Putain, t'es prêt de les mettre au quotidien? Ils ont pas des fringues? Non, mais je vais, on va passer Uniqlo. T'inquiète. Il y a tout problème, il y a une solution, ça qui m'angoisse pas. Hein? Ah là là. Ah, pas vrai. Parce que c'est vrai que là, je t'ai vu très angoissé. Non, si, j'ai non, parce que j'arrêtais pas de mater pour voir si c'était vraiment beaucoup taché. Et c'est à cause des donuts de mon ami. Ouais, ah. C'est ça, ça fait un peu gros l'arc. Oh, t'as vu, tu fais des super gâteaux, t'as vu? Comment on te remercie? Non, il m'a, je fais, faut je préciser qu'il comme... m'a acheté des donuts. Je suis fan de donuts. Ouais. On en a parlé il y a pas longtemps. Il parlait en DM, il m'a dit j'adore les donuts. Et ça, c'est une attention que j'oublierai jamais. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que les donuts, quand on fait un peu des caisses où ils te foutent des Kinder Bueno dedans et tout, c'est pas. Oui, on est d'accord. Nul, moi. Merci, je vais beaucoup. Sur glaçage, sucre pur. Même chocolat, tout ce qu'on veut. Non, c'est sucre terminé. Attendez, il y a Eric qui est en train de manger. Là, bah, oh, peut-être que ma moustache, elle est pas si mal. Enfin, la moustache du gars. T'as vu, dans ses délicieux. Monsieur A. Il y a Arthur, y a, attention. Eric est en train de manger le donut. Il est en train de le déguster. On dirait une pute féro de 90. Arthur est à poil, monsieur l'ambassadeur. Au début de l'émission, tu étais à poil. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Mais il a posé le donut. Tu l'as vu un magazine, mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Alors la chaîne Cab TV. Alors, mais oui, Cable TV. Cable. Je l'ai pas inventé, elle existe. Cable TV. Alors c'est pas français, c'est une chaîne américaine. Ah, Cable TV. Elle vous propose de vous rémunérer, pardon, $2,500. Mais attends, Cable TV, c'est le réseau. Oh, c'est le réseau. Oui, ok. Elle pour propose de vous rémunérer de $2,500, c'est pour faire pour quoi? Pour tout regarder. Alors, tout regarder. Tu t'approches, mais pas n'importe et quoi. Et un peu documenter ensuite la chaîne sur. Alors, tu es pas loin, mais c'est tout regarder un truc particulier. Des documentaires animaliers. Pas des documentaires animaliers. Attends, des pour mettre la question, pardon, j'ai été concentré sur ma tâche. T'as été chercher du sel et de l'eau chaude. Non, je brûlais au briquet. Peut-être ça va marcher. La chaîne Cable TV propose de vous rémunérer $2,500. Ce qui est énorme. Effectivement, pour regarder plein de trucs et le documenter. Des météos. Pas météo. Les infos. Pas les infos. Des dessins animés. Pas des dessins animés. Des trucs où il faut débunker un peu. Alors, on est sur de la fiction, plutôt de la fiction. Fiction étrangère, non? Pas étrangère. Oh. Des vieux films. Pas spécial. Il peut y en avoir, mais parce qu'ils documentent ensuite, des c'est ça. C'est ça, pas des films d'horreur. Ah, c'est parce qu'ils doivent après documenter des films de porc. Ils doivent documenter des trucs et faire un rapport après. Exactement. Mais c'est un type de film très particulier. C'est un genre, donc comédie romantique. Pas un policier. Une sorte de genre, une sorte de genre. Tu me diras si tu. Film d'animation. Film d'animation. Non, pas film d'animation. Télé-réalité. Pas télé-réalité. Mais c'est des films de fiction. C'est des films de fiction. Pensez un petit peu. Ah, film de fiction. C'est ce qu'on avait dit. Mais bien joué, Eric. C'est ça, l'humour. Mais arrête. Ça s'appelle l'humour. Ouais. Mais arrête. Je pète mon crâne. J'adore ça. Il nous rend fou. Il nous rend dingue. C'est toi, t'es dingue. Pensez pourquoi. Fais platane. Là, tout de suite. Ouais. Fais platane. Platane, madame. Fais platane 2. Platane 2. Très bonne chanson d'ailleurs. De Louis Rego, bien sûr. J'avais vu, je m'étais dit. Bonne trouvaille. L'esprit, moi. Oui, ça va. Donc non, type il de film particulier et les speakerines qui devraient vous toucher. Une comédie. Les films de Noël. Les films de Noël, tout bonnement, de regarder près de 25 films de Noël, ce qui n'est pas si énorme pour 2500 euros. Oui, ça va. Pour classer les films et rédiger des critiques, il faudra vous vérifier que ces films conviennent à ces trois catégories. Nostalgie, narration réconfortante et joie des fêtes. Putain, pas du tout nous, quoi. Ben, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que t'en as... Arthur, tu as écrit le film. Ouais. Tu l'as réalisé. Est-ce que tu t'es tapé plein de téléfilms de Noël, plein de films j'en de Noël? Connaissais beaucoup déjà et j'en ai regardé pendant l'écriture, ouais. Ouais. Cela dit, c'est un genre encore plus particulier parce que toi, il y a même des téléfilms de Noël. Ouais. C'est du... Non, après, on a vraiment singé le film de Noël des années 90. C'est pas du téléfilm. Ouais. Mais on a singé un peu la VF, quoi. Ah, d'ailleurs, Lison Daniel aussi fait un travail de malade sur la voix. C'est incroyable. Elle est super, elle. Tout le monde est super, mais c'est vrai super, que elle, t'as vraiment l'impression elle a chopé qu'elle le se double. C'est vraiment dingue. Non, elle est très très forte. Mais attends, c'était une commande d'Amazon de faire un film sur Noël. C'est moi qui avais envie. C'est toi qui avais envie. J'adore ça. D'accord. Ouais. J'adore ça. C'est les premiers films qui m'ont touché, moi. Et je trouve que c'est un genre qui était peu exploité en France. Tu vois, personne se risque. Enfin, se risque. Chaba, il l'a fait. Mais t'en as pas beaucoup en comédie, en tout cas dans ces codes. Noël là, joyeux, là. J'ai vu l'affiche. Avec Dubosc, quoi. Ouais. J'ai vu ça. Mais là, c'est dans les codes vraiment en plus américains. Eddie Murphy, ouais, qui a vu le film, qui est d'ailleurs très marrant. Je vous invite à le regarder. Merci, voilà, c'est sûr. De toute façon, il sort quand? Le 8. Voilà, donc c'est cette semaine. Là, vous écoutez le podcast. C'est déjà sorti. Même si vous aimez pas, vous le laissez dérouler jusqu'au bout. Oui, c'est pour tout le monde. Vous mettez le podcast. Voilà, en parallèle. Pareil. Nous, ça nous va, c'est ok. Et non, mais c'est vrai qu'en plus, même dans la réal et tout, on sent que t'as chopé des codes de comédie populaire américaine. Complètement. Même récente, enfin 90s et 2000, quoi. On a repris les codes des films de. Même dans la BO. Ouais, ouais, c'est vachement. On a été chercher, on a été digué un peu les vieux sons. Ouais, c'est des petits termes un peu de gars de musique, tu vois. Mais ouais, les plans, tu vois, même dans Maman, j'ai raté l'avion, ou les plans de Madame Doubtfire, quand les enfants ils écoutent dans les escaliers pendant que les parents s'engueulent dans le salon, c'était des codes de ces films-là, tu vois. Bien sûr. Et on a été un peu remettre. Code d'écoute. Ouais. Intenable. Je le connais. Là, c'est trop sérieux. La cocotte minute, elle fait. Van. Attends, c'est du mec. Mais c'est pour dire quand même qu'il y a beaucoup de ce rôle qui sont en plus des gens qu'on adore, qui sont très marrants. Outre Ragnar le Breton, Maison Daniel, Alex Lutz, Paul Hidi, Catherine Osmalin, Laura Felpin, Monsieur Proulpe. Monsieur Proulpe. Son frère, Antoine Proulpe. Afid Benhamar. Il y a une de mes scènes préférées de comédie de l'année avec Eric et lui, c'est sur la scène des enfants, je vais dire, pas plus. Où ça parle d'enfants, je trouve ça incroyable. Très, très drôle. Ah oui. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce film, un stupéfiant Noël sur Prime Video. Mais en fait, c'est dans la continuité des vidéos que tu faisais sur Insta. Complètement. Donc, même dans la vengeance au triple galop, tu joues avec des codes. Voilà. J'avais fait une parodie de Noël sur Insta déjà où j'avais invité Laura Felpin était là, déjà Cédric, Cam Koujandi. J'avais demandé à tout le monde d'envoyer des vidéos. Il y a même Gérard Jugnot. J'avais vu Gérard Jugnot. C'était fou ça. Et on avait fait un petit téléfilm de Noël un peu nul où tout le monde se filmait chez soi et je faisais le montage après. Sublime. Et le personnage s'appelait déjà Richard Silestone. Putain. J'ai repris le nom. Et ça devait être qui en fait au début? Avant toi, ça devait être. Non, c'était toi. C'était écrit pour lui, je crois. Exactement. Non, c'est écrit pour toi. Mais non, pas là. Ça va, je suis pas naïf. Je révélerai pas les secrets de production. Je peux pas le dire. C'était qui? Il y a des secrets de production. C'était qui? Chaba? Non. En vrai, c'était Chaba, ouais. Non, c'est Chaba? Ouais. Oh, bah il aurait été super. Ouais. Il a jamais reçu le script. Non, alors, non. Quel édifice français fait partie des immeubles les plus moches du monde selon le site virtualtourist.com? La tour Montparnasse infernale. Sublime. Mais non. Mais oui. Wow. Vous savez, bien sûr. C'est un peu comme une cicatrice quand même dans la ville. Et ils sont en train de la refaire, je crois. Ils veulent l'agrandir. Encore plus grande. La tour Montparnasse. Bah, très belle du coup. Ils vont l'agrandir et ils vont l'arrondir et ils vont l'aplatir aussi. Ouais. Il y a des statues de toi et la ville avec un marteau. Lui il répond en vrai. Quoi, sérieux? Il a juste des couloirs. Mais comment il peut faire ça avec le vent, imagine? Ça va réduire les bureaux. Ils font tout ça avec du bambou, mon pote. Elle sera souple. Et ouais, ça plie et ça ne casse pas. Une feuille, 2025. Ce sera prêt, les gars. Moi j'ai le dernier étage, penthouse, man. Ah ouais, je suis tout là-haut, c'est baby. La moindre des choses. Pour tout ce que t'as fait pour cette tour, attends, c'est quand même la moindre des choses. Ils vous ont invité ou pas là-bas? Non. Les proprios de la tour Montparnasse nous ont interdit de tourner à tour Montparnasse. Le film s'est pas tourné là-bas. Non, on a reconstruit dans des même décors, quand les flics entrent et tout. Dans un hangar, t'as perdu ton slap. Qu'est-ce que t'as fait tomber? T'avais un truc dans le huc apparemment. Il avait le micro d'Ivic. Oups, un plug. Un plug, ouais, désolé. Là, il est vraiment à poil. Je suis à poil. Ah, vous avez tout reconstruit alors. On a dû construire 3 étages de la tour. Et même pour le 2? Le 2, on a carrément tourné en Belgique. Ah oui, d'accord. Carrément. On était des malades à l'époque. Les moyens. L'argent coulait à flot, mon pote. Et alors, on s'est rendu compte, on a fait un floodcast un floodcast avec Anna où on parlait de comédie française. On a longtemps parlé de la tour Montparnasse. Allez. Et infernale. Et on se disait que vous aviez pas de nom dans le film. Et est-ce que c'était fait exprès? On n'avait pas de nom. Vos personnages n'ont pas de nom. On ne se nomme jamais dedans. Et c'était fait exprès? C'était pas réfléchi en réalité. D'accord. C'est on parce que non. Bah non, tu vois, tu joues au basket? Bah ouais, j'adore ça. Okay, d'accord. Ah, j'étais le petit pivot rigolo qu'on m'appelait. D'accord. Non mais je jouais avec des gars, avec des bons gars, n'empêche. Ah ouais, parce que ouais, je vois que tu me juges. Non, mais pas du tout, t'es wow, ça avec va. Félix Wembanyama, je l'ai vu. Hein. Ah ouais? Ouais, il jouait Elancourt et tout. Il jouait Elancourt et nous on jouait contre Elancourt. Elancourt dans le 78? Yeah, baby. Tu viens du 78? Je viens de Montigny-le-Bretonneux. Allez! Putain, deux potes! T'es où, toi? Saint-Germain-en-Laye. Ouais, bourgeois quoi. Ouais, bourgeois. Ouais. Après, mon père était alcoolique donc ça. Ah, ça compense. Ça compense. Ouais. Ça compense. C'est dans un HLM. Ça compense encore plus. C'est bon, t'as gagné. Les 5 étoiles. Donc ça va, je l'ai rechopé. Tu étais à l'école là-bas, Saint-Germain. Mais oui, dans la même école que ma nièce. Ouais, voilà, elle me l'a dit. Il y a un atome crochu en fait. Putain, mais en fait, c'est deux immenses potes. J'étais le héros de cette école à un moment donné. Ça m'a pas dit, mais. Anecdote de Sauber. Pas mal quand même, pas mal. Ouais. Je ramène mes filles chez leur mère, puisqu'on est dans une semaine, tu vois le délire. Bien sûr. Et sur le trottoir, il y a un mec en costard qui est en train d'essayer de se débattre d'un gars qui est avec un couteau. Ah wow. Oui. Qui l'agresse avec un couteau. C'est mon père, justement. Il a une bouteille dans la poche, t'as pas vu ? La chance que j'avais, golfeur émérite que je suis, j'avais des clubs de golf. Dans le coffre. Ah, bonjour. Je suis arrivé, j'ai pris mon club de golf. Et j'ai menacé le gars au couteau qui s'est barré. Oh, ensuite, je dis au mec en costard qu'est-ce qui s'est passé et tout. Le gars est sorti de nulle part, de chez toi, visiblement. Oui, oui, oui, ouais. Donc ça devait être vraiment ton père. Ah, ils ont annulé tous. Il est où Adrien ? Il est où Adrien ? Tu vas me dire où il est ? C'est toi qui me l'as piqué. Mais je sais pas, je suis pas son prof. Il a 14 ans, il a une moustache, c'est pas compliqué. J'ai dû me ramener une bouteille. Mais je sais pas où il est. J'ai sauvé un gars. Incroyable. C'est bon. C'est très courageux. Mon rêve est que le gars au couteau t'ait reconnu. Ça doit être fou pour lui. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que le mec qui s'était fait agresser, c'était le papa d'un enfant de l'école de mes enfants. Ah, tu le connaissais, ok. T'as pu la jouer à la prof. Okay. Mais on a appris ensuite, puisque c'est lui qui l'a dit à sa fille, qui l'a dit à l'école. Ah. C'est très courageux quand même de faire ce move. C'est pas mal, hein. Moi, j'aurais pu voir un peu du coin de l'œil et dire qu'est-ce qu'il y a comme problème dans cette ville. Et me dire bon, allez où ma place de parking. Comme si t'as la place de golf, t'as quand même de la distance, tu peux mettre une patate. Ouais, mais sortir et faire le délire, c'est quand même un petit move. Ouais, mais non, tu peux pas laisser un gars. Non, je te jure, tu vois ça, c'est impossible de rester. Mais toi, comme tu te mets à la place des gens, tu dis ah, le mec avec le couteau, avec le couteau, il a peut-être des raisons. C'est une sale journée. Il a peut-être pas eu sa valise à l'aéroport. Son fils a peut-être une moustache. Il a peut-être énervé. Vous allez pas bien, il peut-être de perdre son job. Je me serais mis à genoux. Et je sais que ça va pas dans votre voie. Allez, lâche-moi. Alors, Athéna Lopez. Eh oui, je vous l'annonce comme ça. Elle gagne plus de 10 000 euros par mois sur OnlyFans. Mais le contenu qu'elle propose a une spécificité. Et c'est quoi ce contenu ? Un truc avec les pieds. L'autre son bas, il y a pas les trucs. Elle dit des trucs gentils aux gens, genre. Non, non mais tu vois, un truc genre. T'es jolie. Est-ce que c'est original ou c'est un truc qu'on a jamais vu ? Alors, je sais pas si on l'a jamais vu, mais en tout cas, de gagner autant d'euros. Ah, je sais, mon Sacha. Sur internet, imagine. Fallait y penser. Imagine. Hyper original. Imagine. Moi, j'ai vu deux comme ça sur internet qui montent sa chatte. Putain, je crois que t'étais là. J'étais choqué. Mais sur votre chaîne ou quoi sur internet? Enlevez. Est-ce que c'est un site de médecin ou quoi? Ils sont fous. C'est comment on change la chaîne sur internet? Oh là là, putain, je vois trop sa chatte. Elle est où la télécommande d'internet? Coupez cette chatte! Putain, oh là là, ferme cette télé, putain! On a jamais cette chaîne d'internet, hein! C'est quoi, on voit trop la chatte à cette dame! Deuxième fois que j'allume internet, deuxième fois que je tombe sur une chatte! Hein. Non, stop la chatte! Je vais installer un système anti-chatte! Pour bloquer! Firewall, la chatte! Est-ce que. Elle est habillée en Mère Noël? Non, pas du tout. Ça parle à rapport avec Noël? Pas de Noël. Il y a pas un délire de. Attends. Film, non, non, mais t'as raison. Elle est-ce que c'est un produit qu'elle vend? Comment? Elle ne se dénude pas. Alors, elle se dénude, elle peut se dénuder. Est-ce qu'elle vend un produit? Est-ce qu'elle vend un produit type l'eau de son bain ou tu vois? Non, non. Est-ce que c'est des choses. Est-ce qu'elle joue un rôle? Alors, non, elle ne joue pas de rôle. Il y a pas du roleplay du genre. Non. Genre, je suis ton professeur. Ouais. Ah ouais, j'ai toujours quelqu'un qui m'a monté voir ma. C'est un rôle. Imagine le truc. Est-ce que c'est ce qu'elle dit qui genre des trucs qu'elle dit qui font. Non, c'est vraiment. C'est quelque chose qu'elle. Elle. Ah, c'est elle. C'est elle s'est tatouée un truc. Non. Elle s'est griffé un truc visage. Étonnant. Non. Est-ce qu'elle a une spécificité? Est-ce qu'elle mange des trucs? Non. D'une certaine manière, ouais. Elle mange pas de trucs. Elle boit des trucs. Elle boit pas de trucs. Elle fait quelque chose avec son corps? Alors ça peut lui arriver, mais c'est pas ça que je vous demande. Donc attends, tu dis d'une certaine manière, elle a une spécificité physique. Ah oui, oui, d'une certaine manière. C'est sur OnlyFans, c'est-à-dire qu'elle montre quelque chose. Est-ce que d'une c'est une spécificité de son corps, voilà. Elle est très très âgée. Elle est très très âgée. Mais autant de consommes que tu veux. J'ai pas cette chaîne d'internet. Est-ce qu'elle est très âgée? Elle n'est pas très âgée. En fait, je ne pourrais même pas vraiment te dire son âge, pour être honnête. Bah c'est belle honnêteté. Mais toi, par exemple, toi, tu vas régulièrement sur son truc? Moi. Tellement pas, moi j'ai une meuf et tout, pas besoin de ça. T'imagines? Je serais trop dégueu de faire ça. Est-ce que c'est une partie haute ou une partie basse de son corps? De quoi donc? Je sais pas ce qu'elle montre. Le truc qui se passe. Je sais pas, j'essaie d'avoir des indices. Comme dans Tom et Jerry, il y a que ses jambes. Non, ouais. Non, non, on voit tout le corps, on voit tout. Ah, tout? Ok. Elle est très souple. Elle est. Bon, peut-être, mais c'est non, pas mais ça. Non, mais c'est pas ça. Oui, non. Elle a un corps hors norme. Pas perso. Elle a un corps hors norme. Elle a un truc genre, c'est rare. D'une certaine manière, ouais, d'une certaine manière. Ah, quand vous allez avoir la réponse, vous allez faire. Oh, mais oui! Elle a des seins gigantesques. Non! Oh là! Elle a une chatte gigantesque. Ça n'existe pas, je pense. Imagine la chance qu'elle a. Elle a des pieds gigantesques. Non! Des yeux gigantesques. Un nombril. Est-ce que c'est une question de proportion? Non. Est-ce que c'est sur son visage? Elle est visage très grande. C'est... Elle est pas quoi? Elle est très grande. Non. Elle est pas très grande. C'est sur son visage? Pas sur son visage. C'est sur un tout en fait. Est-ce qu'elle est très grande sur son visage? Elle est pas très grande sur son visage. Je résume les deux questions. C'est une façon de s'habiller? Une façon de s'habiller? Pas une façon de s'habiller. Son visage. C'est vraiment son corps. C'est vraiment son même corps ce qu'elle est visage. En fait. Ah, elle est. Ah, elle est virtuelle. Elle est. Elle n'existe virtuelle, pas. Hein, elle a putain, été générée fort. Par une elle intelligence. Est une intelligence artificielle. C'est une fausse nana quoi. Elle n'existe pas, tout simplement. Et oui, car Aitena Lopez, pardon. Bah oui. Ah, mais oui, je vois qui c'est. Hein? Ah, c'est Aitena? Oui, c'est ça. Comme Artificial Intelligence Tena. Exactement! Et ouais. C'est trop smart en fait. Putain. Il a fait beaucoup de Mickey Enigma hein, lui. Moi, hein. j'ai deviné, les mecs, c'est bon. Imagine, il connaîtrait la meuf. Wow. Pas le rapport. Une équipe de son agence DIA crée méticuleusement Aitena et sa vie à l'aide de Photoshop en décidant de ce qu'elle fera, où elle ira et quel contenu elle publiera, le tout sans les inconvénients de travailler avec des créateurs humains et leurs travers. Aitena a réussi à accumuler un nombre impressionnant de followers, plus de 152 000. Les fans déboursent de l'argent pour obtenir des photos sulfureuses du bot. Tu remanges un donut. Du bot, c'est génial. De sa chatte. Et n'empêche quoi, ils payent pour des trucs que tu peux générer toi-même. Pardon, vas-y. Non, allez-y. Non, c'est fini. Allez-y. Je vais mettre un point. Non, allez-y. Non, j'ai discuté avec un mec qui est passionné d'intelligence artificielle et qui me disait maintenant tout ce qu'on était capable de faire. C'est flippant ce qu'on est capable de faire. Mais maintenant, il y a des mecs qui arnaquent, tu sais, avec la voix, ils prennent la voix de ton père, de machin, ils te font passer des coups de fil, tout ça. Mais, donc, le futur, apparemment, ce serait que donc, les acteurs vont être remplacés. Donc là, c'est salut pour nous. Parce que les gens vont adorer des personnages inventés comme Shrek et tout ça, quoi. Et que dans 10 ans, une fois qu'on en aura marre d'avoir adulé des gens qui n'existent pas, on reviendra aux acteurs. Mais j'aurais 80 ans, moi, ça serait... Waouh! Tu sais que c'est pour ça qu'il y avait eu le strike aux États-Unis, en Angleterre, à cause des IA aussi. Ouais. Parce que si, en gros, tous les acteurs, j'ai un pote qui est anglais, il tourne beaucoup et tout. Je suis désolé, je connais des gens un peu en place, pardon. Et en fait, ils l'ont généré, tu sais, avec les caméras et tout. Et en fait, ils t'utilisent. Et s'il y a une retake de toi à faire, par exemple, ou t'ajouter dans le fond du truc, ils disent, bon, on va pas le faire revenir. Ouais. On va le générer en IA. Bientôt, ils vont juste te faire signer un contrat. Est-ce que tu veux participer à tel film? Ils ont toute ta gueule et puis ils font le film comme sans Bruce Willis dans des pubs japonaises. Bruce Lee? Bruce Lee, ouais. Non, Bruce Willis, il avait vendu son image pour qu'il puisse faire des pubs au Japon sans qu'il ait tourné, quoi. Il y a des pubs avec Messi comme ça, je sais pas si t'as vu. Sur internet, qui traîne, c'est très drôle. Tu sens qu'il n'est jamais venu sur le plateau de tournage juste pour faire le final où il est avec le produit. Tu suis juste un mec de dos qui ressemble à Messi. Ah, les grilles de chips. Ouais. Et tu le vois juste filmer un peu et ils ont mis le visage en mal fait, tu sais, en fake. C'est génial. J'adore. Du coup, j'ai acheté les chips, moi. Ah ouais, moi aussi, pareil. Depuis tout à l'heure, on les entend. J'adore. Ouais, ils sont là. Ouais. C'est lui qui les a envoyés. Vous. Alors, c'est pas sur OnlyFans, mais on vous a beaucoup vu avec Ramzy sur internet. Récemment. J'adore internet, mais. Bah, je vois ça. TikTok. T'as même un podcast sur TikTok pendant le Festival de Cannes. C'est quoi qui vous a donné envie? Parce que ça fait longtemps qu'on vous disait, on veut vous revoir et tout. C'est d'aller chez des Squeezie, des trucs comme ça? En fait, on fait nos trucs de notre côté, on se démerde, notre petite popularité chacun. Et puis, quand on se retrouvait pour faire des McFly et Carlito, des Squeezie, on tapait des 20 millions. Donc on se disait, putain, c'est bizarre ça, parce qu'on fait les mêmes vannes que d'habitude. Et là, ça fait 20 à 25 millions. Donc on s'est dit, peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, quoi. Peut-être qu'en fait, quand on fait nos trucs, faudrait être sur YouTube, sur TikTok, sur machin. C'est un truc où il y a notre public, visiblement, qui semble être jeune. Et notre public n'a pas notre âge, apparemment. Sinon, on n'aurait que des quinquagénaires, des sexagénaires. Il est large. C'est pour toute la famille, un peu. Il est large, oui, effectivement. Mais visiblement, on chope bien les jeunes. Du coup, on s'est dit, mais ils sont où les jeunes? Allons-y. On s'est dit, enfin, je me suis dit, parce que Ramzy n'a rien à foutre, je me suis dit, viens, on fait un petit truc TikTok vite fait comme ça. Et rac. Et boum. Mais il y en a beaucoup sur YouTube aussi, des émissions, si vous voulez les regarder en entier, parce que moi par exemple, j'ai pas la TikTok. Mais je sais pas si c'est vous qui les avez uploadés sur YouTube. Pas du tout. Ok, parfait. Ah non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est des émissions en fait, c'est des émissions où vous recevez des invités, c'était pendant Cannes. C'est ça. Et vous avez reçu des Pierre Ninet, des Adèle Archopoulos. Ah, elle est trop sympa. Tout ça. Non, mais on rigole, ouais. Écoute, c'est comme là, en fait. Hein. C'est très simple. Ouais. Bah ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. J'espère que c'est agréable à écouter. Bah ouais. C'était génial. Mais moi, je me souviens quand je vous suivais avec Ramzy, quand j'étais un gamin, quand j'avais 8 ans. Le fun radio Énergie plutôt. Ah ouais. Le Ziva Show. Moi, j'ai beaucoup écouté le Ziva Show. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et, Et, mais même je me souviens, en fait, il y avait vos films, il y avait vos spectacles, mais il y avait aussi vos apparitions à la télé. En fait, ça faisait un peu partie, je trouve, du paquet. Gratter. La télévision. La 4, remets la 6. Oh, on était sur la 6. C'était trop bien. C'était les jeunes, la 6. Les gens savent pas. Quand vous avez clashé Balkany aussi. Oh là là, quel bonheur. C'était beau, ça. Ah, putain. C'est vrai, on toujours a, là, et on en a parlé là. À Ramzy aussi, ça. C'est vrai, ouais. Ah, ça faisait du bien à voir. Ouais. Vous l'avez tapé ou pas? Il est, non, il est pas toujours. Il est ressorti là. Oui, ouais, je crois. C'était pas, il était pas sorti pour souci de santé. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a une chronique là, dans 15 minutes, il fait une chronique dans l'émission. Oh, j'en mets. Il fait l'horoscope. Le Balkacho. Ça, il me fascine, moi, c'est Balkany, moi, j'adore. Astuce pour frauder. La ville de Morey-Loin et Orvan. Eh bah oui, c'est une ville comme ça que je vous donne. Eh bah, c'est devenu un véritable casse-tête pour les facteurs, à votre avis. Pour quelle raison? Morey-Loin et Orvan. Ouais. Alors, est-ce que c'est par rapport au numéro, de maison? Alors c'est un peu lié. Les rues, les noms de rues. Alors c'est lié à ça, mais je te demande une réponse plus précise. Toutes les rues ont le même nom. Alors oui, mais est-ce que c'était pas une qu'une réponse seule... Bah tu t'approches au final. C'est en train de s'embrouiller. Attends. Non, non, non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. Tous les podcasts que j'ai écoutés, ils sont toujours en divorce. C'est le premier que je vois où ils s'embrouillent. Non mais ça va, c'est bon. Incroyable ça. Ok, ok. Ouais. Non, pardon. Tu peux faire Wrong Cop, s'il te plaît, pour me détendre. Et là, je fais. Hey, c'est la police. I think there is a problem with the palm tree. Ok. C'est bon, ça il a bien fait. Ça va mieux. Ça, ça m'a reboosté là. Allez. Alors la rue, c'est des rues. C'est deux lettres seulement là, chaque rue. Quoi, il y a genre deux rues, c'est ça? Alors, tu disais il y a des rues qui ont le même nom. Mais alors, est-ce que tu sais pourquoi? C'est pas grave. Bah oui, j'ai habité là-bas longtemps. Bah tu m'étonnes. Vous savez pas. La ville s'appelle Morey-Loin et Orvan. Ah, c'est deux rues qui ont fusionné et les deux. Non, deux villes qui ont fusionné et les deux villes avaient des noms qui avaient le même nom et maintenant il y a deux rues qui ont le même nom dans la ville. 75 noms de rues sont des doublons. Wow. C'est-à-dire qu'il y a. Changer le nom des rues enfin. Bah alors. Ah ouais. Non. Attends, je comprends pas. Il y a deux villes en fait qui ont fusionné. Alors il y a quatre villes qui ont fusionné. Et chaque ville, chaque ville avait des rues Victor Hugo, tout ça, c'est ça. Allez, c'est devenu un pays maintenant. Sept rues. Allez, ouais. Villes, allez. J'irai pas plus loin 9 que 8 villes. Peut-être 9 villes. 2 départements. 10 villes, un chiffre rond, on s'arrête là. Bah après, il y a 4000 rues. Imagine, il y a 11 villes après. Non, non. Arrête, là t'es en train de délire. Je les ai jamais vus comme ça encore. Ouais, c'est le divorce. J'ai jamais vu partir dans un délire où même eux ils savaient pas où ils allaient. J'ai jamais vu ça. C'est incontrôlable. 12 villes. 13. Donc il y a 75 noms de rues. Ils ont mélangé voilà les villes et les riverains concernés par les noms en double doivent remplir un questionnaire qui est à rendre avant la fin du mois proposer des nouveaux noms de rues. Voilà, parce qu'effectivement c'est que des rues genre rue de l'Église. Il y a 4 rues de l'Église. Il y a 2 rues de la République. Rue Squeezie. Imagine le truc. Non, je propose. Bah si j'étais un mec, je dirais hey, la. Ouais, mais un peu chiant quand t'habites dans une rue de te dire ah en fait on change le nom de la rue. Alors que t'étais rue Victor Hugo. Ouais, mais non, si c'est toi, rue... t'es attaché au nom de ta rue. Ouais, moi si j'aimerais pas qu'on me le change. Quand j'étais petit, on m'aurait changé mon nom de rue. C'est stylé quand même, c'était jeune, t'es rue Squeezie, c'est pas mal. Rue Thibaut InShape. Toi t'es retro. J'habite au 12 rue. C'est une avenue Thibaut InShape. Thibaut InShape. Au 12 bis avenue Thibaut InShape. Non, c'est vrai, t'as raison, ça fait pas prestigieux. À la place Inox Tag, là tu tournes à droite. Bah vous, alors, imaginons, on vous le propose, vous accepteriez ça? Genre le gymnase Arthur Sanigou, la bibliothèque, alors, on y avait pensé une fois avec Ramzy, on s'était dit que si jamais il donnait des noms à des lieux, Eric et Ramzy, ce ne serait pas des trucs prestigieux, je pense. Ce serait vraiment ouais, des piscines, municipales. Ouais, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Ah, on va à la piscine d'Eric et Ramzy. Ah non, elle est dégueulasse. Ah, tu chopes des champignons et tout. Non, le trampoline park Eric et Ramzy. Bah, ça, moi, je rêve. À la limite, on passe par l'avenue Jamel Debbouze, par contre. Ah, lui, c'est classe. Tu vois. Il y a la statue de Jamel, et tu tournes à droite, et il y a la piscine d'Eric et Ramzy. Regarde le jeu. Non, des noms des écoles, c'est toujours un peu l'angoisse, je trouve, moi. J'aimerais pas mon nom associé à une petite Gagarine. C'est toujours un peu bizarre. Ouais, c'est ça, moi, je sais pas. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus que ce qu'on fait, nous, pour ouais, avoir des noms. C'est de... sûr, faut avoir fait une loi. Je pense que c'est vraiment une question, on n'est pas obligé d'y répondre, parce que ça n'arrivera jamais. Je pense que ça n'arrivera jamais. Tu sais pas. Il y a l'avenue Coluche, je crois, à Paris. Oui, voilà, dans voilà, la Coluche. Ouais, Coluche. Faut qu'on fasse quelques trucs. Pour moi, vous êtes vachement mieux. Faut avoir un film de Noël. Il a fait un film de Noël, Coluche. Il a fait LOL, I don't think so. Je pense pas. Un conducteur rouennais a été flashé à 275 km/h. Parlons mais... de Coluche. Ah putain, il tu sais qu'il doit bien se marrer là-haut avec ouais, des proches. Ouais, tu m'étonnes, ils rigolent, ils se sont mariés et tout. Il doit être là avec. Il fait de la moto, ah non, la moto, il est avec Johnny et tout. Waouh! Waouh, hey, attention là, putain, le patrimoine. T'as mélangé le lion et des poches. Oh, racisme anti-blanc là, ça va. Sale blanc. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as où là-haut? Hey, t'es un malade en fait. Putain, ça va trop vite. À moitié quand même. Ces chips me rendent dingue. Il a mangé trop de sel. Ça me booste. Il a un, ça me booste. Un salt rush. Alors vas-y, c'était quoi? Un conducteur Ryanair a été flashé à 275 km/h, mais ne recevra absolument aucune amende. Ah, je l'ai lu. On répond pas, c'est Eric qui va trouver. Ah bah oui, alors est-ce que non, t'inquiète, y'a pas de pression, pas de pression. Hyper agressif. Pas de pression, le raciste. Ah pardon, vas-y. Mollo l'agressif. Vas-y, je te ferai un film. En tant que raciste, qu'est-ce qui me viendrait? Donc un conducteur rwandais. Rwandais. Il avait donc une machette, visiblement. Non, conducteur Vianney. C'est Vianney. C'est Vianney, ah, conducteur. Vianney. Qui conduisait Vianney, ce chanteur. Il être, ah, non, Viano. Il devait être un scout, le conducteur Vianney, ce qui était scout. C'est ah, quand, en fait, ils n'ont pas pu... ouais. Parce qu'ils attends, étaient vrai, en mouvement. Plus. Ils étaient en mouvement quand ils ont... Non, c'est pas un truc ah, de... Non. La non, prise de vitesse, elle a été mal faite, mal prise. Alors, elle a été prise. Mais... C'est, en fait, c'est l'avocat qui l'a défendu d'une certaine manière, qui lui a permis. Ah, de... c'est foutu à poil. Avec un plat. Dans une petite voiture de. Relâchez-le, il a rien fait. On a gagné. Ok. On peut rien faire, c'est vraiment le meilleur avocat de France. Oh putain, oh là là. Elle nous a encore eu. Putain, elle a encore montré sa chatte. Putain, bravo. Allez. Dismissed. Case dismissed. Bah les gars, vous avez la réponse. Peut-être vous pouvez le dire. C'est, alors si, attends, je veux voir si je m'en souviens bien. Ça, je crois que c'est parce que l'avocat il l'a défendu parce que le radar pouvait pas flasher au-dessus d'une de certaine 250 ou comme ça. Exactement. Et il était à 275, donc exactement. Le mec il a dit. Vous avez été flashé à 275, il a dit impossible parce que les flashs ils vont pas au-delà de 250. Il a retrouvé la notice du radar, je crois, c'est ça. C'est ça. Il a ramené la notice du radar en disant. La notice du radar. Ouais. En disant bah non, vous dites que c'est à 250, donc vu que. Faut avoir du culot quand même pour se dire ah ouais 275. Va me chercher la notice du radar. J'avais acheté un radar comme ça, rappelle-toi, que j'avais offert à Noël. Et tu t'étais foutu de ma gueule à l'époque. Parce que tu dis toujours je cours dans le couloir toute et tout. La nuit, on n'a même pas pu l'utiliser avant le lendemain de Noël. Tellement c'était compliqué. Et bien je me souviens qu'il y avait un petit truc qui était écrit que ça montait pas au-dessus de 250. Ouais. Va me chercher la notice, bordel. Et là, bim, il a gagné. Il a tout simplement gagné. Donc le gars ne va même pas avoir une amende, rien. C'est-à-dire que. Une fois, je suis monté à 300, moi. Ah non. Ouais. Tu t'es fait flasher à 300? Non, je me suis pas fait flasher. Putain. Je le regrette, hein. Non, mais t'as déjà bien. Roulé à 300, tu veux dire? J'ai roulé à 300. Oui, bah, sur autoroute. En avion, c'était. Il y avait personne, hein. J'ai fait combien au moins 2,60 je crois. Oh là là. 2,70. Mais vous êtes des vous êtes deux dingos en fait? Nous on est des malades mentaux, mec. Ça va, j'ai pas bien en fait. Ghetto, des ghettos, nous. Attention, j'ai pas mis mon flingue sur la table, tiens. Allez, je le mets. Attends, je le mets. Attends, j'enlève mon couteau. Mais mets ta plaque aussi. Ok, je travaille avec le FBI. Ok, moi je mets le couteau de mon père. C'est le même que t'es là. Putain, il t'a eu. Alors, ça fait déjà une bonne heure qu'on parle. Et quel bonheur. Et quel bonheur. J'ai une dernière. Une bonne heure qu'on parle. T'as dit ça comme ça, espèce de sale raciste. Arrête. Là, il t'a eu. Il t'a percé à jour. Mais en même temps, c'est vrai. Qu'est-ce que. Guilty, ouais. Qu'est-ce que je dis? J'ai une dernière question pour vous. Puisque le site j'ai plus le nom du site, mais faites-moi confiance. Ah si, Glidden. Un site de rencontre extra-conjugale, pardon. Oui. Je connais très bien. Tu sais que c'est Glied, c'est le membre en allemand. Oh, mais tu parles toutes les langues en fait. Mais non, mais t'as des origines. C'est autrichienne. Mais c'est un peu. Oh là là. Germanique, c'est plus folklorique. Voilà, tout simplement. C'est de l'allemand aussi, il parle allemand. Tout simplement, je sais pas. Il parle pas l'autrichien. Non, mais c'est pas la peine de. Non, c'est pas la peine de le regarder comme ça. Je fais un bac STG, moi. Voilà, c'est tout. C'était de l'allemand. Ouais, de l'allemand. C'était Glidden. Glidden. Eh bien, Glidden, ils ont publié le top 10 des prénoms masculins les plus infidèles. Oh là là. Est-ce que vous auriez comme ça des Tom. Idées? Alors il y a pas alors, Tom. Attends, c'est des prénoms allemands? Non, c'est que français. C'est Heras. En France. Ah ok. Ah. Alors j'ai aussi les prénoms féminins. Si David. Alors il y a pas de David. Mathieu. Il y a pas Mathieu. Si, il y a Mathieu, il est 8e. Ouais, je savais très bien, je connais plein de Mathieu, ils sont tous infidèles. Allez, je vous demande le prénom le plus infidèle masculin et le prénom le plus infidèle féminin. Chez les garçons, il y a Maxime, Didier, Mathieu, mais, Geoffrey. Comment ils font ces stats là par contre? Ah ben je vais te dire la réponse bien sûr. Ah bah remarque eux. Non mais cela dit, eux c'est un site de rencontre extra conjugal. Ben, ils ont juste à voir les gens qui sont inscrits sur le site. C'est ça. T'as répondu à ta propre question, tu t'en rends compte? Ouais mais c'est Kevin. Attends, ça va être un prénom méga générique, non? Alors, c'est bah, pas si générique non. que ça. Moi, j'en connais fait, ça doit pas être dans mon entourage. Prénoms, ouais, les... Il y en a des connus, mais je connais pas dans mon entourage. Moi, c'est des trucs genre Jason. Il y a pas de Jason. Il y a pas des trucs comme ça. Non, mais je sais pas, j'en sais rien. Je vous enlève les 9 autres du top 10. Il y a Maxime, Dit, Pierre, François, Stéphane. Ah oui, c'est Pierre, très François, Martin. Oh, j'ai un Stéphane, moi. Stéphane, j'ai un pote. Et un final. Et après, le premier, c'est juste des noms ultra courants, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Statistiquement. Pierre, c'est Pierre ou Jean ? C'est la question de trop, je le sens bien. Mais bon, je vais quand même aller au bout. Non, on va te défoncer, mec. Avec le couteau de mon rap là. Bam, et là j'ai juste de charger mon flingue. Le club de golf, il va partir. Mais n'empêche, hein, j'ai sauvé des gens. Hein. Ah ouais. Mais là, maintenant, j'ai toujours des migales, moi, dans mon blouson. Oh, allez, n'importe quoi. Elle est bourrée, elle est complètement bourrée. Ouais. C'est plus long comme mort, mais. Mais elle te pique tout le temps, donc c'est pas. Oh, non. Ouais, mais je suis immune maintenant. Un peu. Des grosses poussées de fièvre, mais ça va. Mais en cas de danger, franchement, j'ai danger, je suis tranquille. Allez, essayez de piquer mon porte-clés. Piquer. Pique. Qui pique. Qui pique, mais c'est ton jeu qui arrive sur TF1 d'ailleurs pendant les fêtes de Noël. Qui pique. Et c'est apparemment c'est un gros budget l'émission. Quoi. Ah, 4 ouais. millions d'euros l'émission. Bah, qui pique. Le budget araignée et tout. C'est bah ouais. Si tu dois voler le portefeuille de quelqu'un, il y a des migales. C'est la putain comment faire. Allez-y, piquez. Il y a 3 mecs, mais il y en a un, il a des migales dans la poche. Tu choisis le mauvais. Aïe aïe aïe. Ça, c'est la nouvelle vidéo Squeezie pour le coup. C'est Squeezie ça. Pique. C'était Patrick le prénom. Voilà, je sens que je vous ai perdu. C'est Patrick. Balkany. Oh, bon, final peut-être. Patrick, tout simplement. Pas étonnant. Chez les femmes, c'est quoi chez les femmes, c'est Hélène. Hélène et Patrick, ils doivent tout le temps baiser ensemble. Eh ouais. Hélène, Julie, Anne, Catherine, Isabelle, Christelle, Alice, Juliette, Vanessa et Clémence. Grosses infidèles. Tu pars où, Patrick? Au golf avec les copains. Ouais, tu vas plutôt avec Hélène. J'ai vu sur le site. C'est toi le plus infidèle. Donc oui, ça fait déjà 1h10 qu'on parle. Et à la fin de l'émission, alors Eric, je sais que t'es un grand fan, donc j'ai pas besoin de te le dire. J'adore, je dis pour Arthur, si tu connais pas trop. J'adore. On fait une petite recommandation culturelle, c'est-à-dire qu'on partage aux gens un truc qu'on a aimé récemment, autre que le film Un Stupéfiant Noël, je le rappelle, qui est sur Prime Vidéo, mais quelque chose que vous avez apprécié, qui est pas forcément un truc récent d'ailleurs, qui est un truc que vous avez envie de partager aux gens évidemment. Et que vous avez pu voir récemment aussi, mais que pas évidemment, forcément. Oui, non, mais toi, juste fais-toi. Il a pas envie de t'écouter. Il est dans ses tongs. Il va devoir dire du mot du bien de quelqu'un. Arthur, est-ce que t'as une idée? Ah ouais, j'ai qu'une idée qui vient en tête, mais j'arrête pas de le citer. C'est un Stupéfiant Noël. C'est le film, putain, c'est dingue. C'est que tu dis ça. Mais c'est pas un nouveau. Hein. Tu sais que j'ai compris le jeu de mots à la fin du film, quand même. Un quel Stupéfiant jeu? Noël. Ah ouais, stupéfiant la drogue. Putain, réfléchis. Bah moi, ouais, bah, pardon, tu réfléchis. Excusez-moi. Pas, bah ouais. Vous êtes tous auteurs là. Pardon. Moi, je suis traducteur. Sorry. Il vient de dire pardon. On a un très bon titre anglais d'ailleurs, Dealing with Christmas. Ouais. Ah ouais. Et avant, vous avez le logo de la MGM. Ça c'est super. J'ai fait Célestate. Quand... Ah ouais. Il y a le lion, ah, y a le lion qui crie et tout là. Avant le film, on a fait, parce que Amazon a racheté MGM. Et donc avant le film, on n'a pas genre Prime qui fait. Non, il y a le lion. Je le fais pas bien d'ailleurs. On a le lion qui arrive et qui. Ah ça, tu le fais très bien par contre. Attends, j'ai eu peur. Ah ouais, je me suis dit, il y a un lion qui m'attaque ou quoi. Je croyais que c'était mes migales qui avaient faim. Attends, il est 19h. Elles vont piquer encore plus. Souris. Ah non, je comprends avec mon boa constructeur. Constructeur, donc pas. Qui fait une petite maison. Ouais, j'ai un boa qui. Il a un petit casque. Il a un petit casque et tout. Ce non, c'est mal branlé là, les poutres. C'est un boa qui tape sur les murs. Fait, mais c'est pas un mur porteur ça. C'est pas un mur porteur du tout ça. Avec la queue, il tape. Non. C'est parfait. Ah là là. Alors qu'est-ce que ça à mes yeux ce que vous venez de faire? Bah, oui. Non, j'arrête pas de le dire, mais c'était l'album de Alyosha Schneider. Ah, mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Moi, je connais pas du tout. C'est le frère de Nils Schneider, qui est chanteur. D'accord. Et aussi comédien, il était dans Salade grecque, je crois. Nils Schneider, c'est celui qui est dans le film dans la série de Ramsey. Exactement. De Rouillé d'os. Ils ont une famille aussi. Ils ont une famille d'artistes. D'argent et de foutre. Oh là. Bah ouais, non, c'est pas celui-là. Non, en tout cas, c'est deux. Ça, c'est celui-là. Regarde Patrick quand il est pas exactement. Hélène, quand il part soi-disant au golf. Non, je bosse un peu dans le bureau là. C'est vrai que tout à l'heure, t'as dit oui, j'ai sauvé une vie avec un club de golf. Oui, peut-être qu'au golf. Patrick Judor. J'ai un cousin, il s'appelle Patrick Judor. Allez, gros spermeur. On a perdu tout le monde. Au contraire, sixième sens, j'arrive à capter quand on a perdu le public. Le public. Là, je sais qu'il est parti. Ça fait 20 minutes qu'il est parti. Si. Le titre, c'est Spermer Judor, donc ils sont jusqu'à la fin. Ils sont partis, le gars. Les migales d'Eric. Alors, Eric Mégal. Et donc, alors, c'est l'album. Et c'est quoi comme genre de musique? C'est soul trap. Non, c'est pop, un peu pop française. Attends, je vais dire exactement. Voilà, arrête de me juger. Ok. Je vais dire ce que c'est l'intitulé sur long, iTunes. Trop long. Du coup, non, mais tu la connais, Eric. Tu la connais. French pop. French pop. French pop. Et l'album est très cool. D'accord. Et ça, il vient de le sortir. C'est le nom de l'album French pop. Non, pas du tout. L'album, il s'appelle Bouge pas. Il a pas de titre, je crois. Bon, c'est un fiasco. Non, non, mais allez, les gens se feront un avis, c'est super. Sinon, je te dis l'album d'Ichon, le nouvel album d'Ichon. Oh, mais tu connais toute la musique. Cyril Gane aussi. J'adore Ichon. Il avait posté un truc sur. Ouais. J'ai réalisé une pub où il jouait dedans. Cyril ou Ichon? Non, Ichon. Ah oui. Très sympa. Il est super. Je le connais pas, mais il est super. D'accord, très bien. Adrien, voilà mes deux recommandations. Adrien, recommandations culturelles. Mais ça fait plaisir. Les gens conseillent peu de la musique dans cette émission, donc ça fait plaisir d'avoir des trucs à écouter. Détrompe-toi. Oh, je me détrompe. Je me détrompe immédiatement. Ça, je te regarde. Ouais. Bah, je suis bien détrompé. Il s'entend hyper bien. Je vois dans tes yeux que tu t'es détrompé. C'est fini le divorce. Non, j'avais déjà recommandé plusieurs fois Benjamin Epps. Et il vient de sortir un EP qui s'appelle Ready for War. Bah, un rappeur, donc Benjamin Epps. Ouais. Et voilà, c'est un français. Je suis toujours. Ouais, français. Benjamin Epps, il y a une chanson de lui dans Vermine que j'ai écrit. Ah ouais, qui sort en décembre. Oh, et ouais, ah, pas mal. Le dessin Sébastien Manichek d'horreur avec des araignées. Ramène pas toi. C'est très très, très doué. Les choses se croisent. Les choses se croisent. Non mais toi, t'as eu la rêve de tout à l'heure de rap que j'ai fait. C'est vrai que t'as écrit Vermine. Ah cool. Parce que j'avais vu des courts métrages de Vanitschek moi. Non non, attends, je préfère prendre la parole là quand c'est pour dire du bien. Il a jamais parlé d'un autre truc. Je vais peut-être finir. Personne connaît. Non mais c'est dommage. Ça fait de la promo pour moi. Moi, non, je t'écoute. C'est un mec jeune actuel, mais il a un style à l'ancienne, quoi, tu vois. D'accord. Et donc, si t'aimes bien le rap. C'est ça que tu penses que ça va me parler, parce que c'est un truc de vieux. Non, non pas mais du parce tout. Que moi aussi, mais tu, ses influences, c'est Notorious B.I.G. et tout, quoi. Ah, sympa. Et il a un style vraiment très cool. Mais, putain, j'ai envie de l'écouter. Et bah, ça va te plaire, je pense. Vas-y, au cas où. Et toi, tu l'avais découvert, Sébastien Nitschek? Je l'ai vu en des avant-premières de courts-métrages qu'il faisait. Ouais. Et c'était mortel. Et ce gars a un talent fou. Bah, on est super contents. Putain, on dirait Drucker. Ce gars a un talent fou. Je lui prédis un avenir radieux. Voilà tout. Pour moi, c'est du bruit. La semaine prochaine, dans le canapé rouge avec mon chien. C'est une pépite. C'est pas du tout une imitation, c'est vraiment quelqu'un d'autre. T'as juste décrit ce qu'il faisait. C'est pas du tout la voix. J'ai un costard à la télé. Je suis à la télé depuis très longtemps. Vous vivez mon samedi? Non, plutôt dimanche. Ce serait bien un imitateur, mais qui fait juste décrire la personne. Ah bah, c'est Nicolas Canteloup. Ouais. Non, parce que Canteloup dit le nom, lui. Ah oui, c'est vrai. Salut, c'est Patrick Timsit. Ouais, E-T-T-S. Oui, mais il met sa main. Il met sa main comme ça. Ah non, c'est Daron, je suis con. C'est Daron qui me sait ça, moi, de ouf. Eric, une recommandation culturelle. Recommandation culturelle. Quelque chose que tu as aimé récemment? Je vois un truc qui tourne sur Instagram depuis un moment. Ça fait une petite année que je les suis, là. Ils sont très très drôles sur ce qu'ils font et ils ont un spectacle apparemment qui s'appelle Dava. Bien sûr. Et j'ai peur que ce soit des connards en vrai. T'as pas ce feeling non? Qu'ils dégagent un truc un peu pas très sympa, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles. Mais ils sont très drôles. Donc voilà quoi. Moi, ils sont perchés quoi. Ouais. Ils ont un petit univers bien à eux. Hein, oui, je crois qu'ils sont un peu chelous. Voilà. Je pense que dans la vraie vie ils sont chelous. Mais en tout cas, à regarder, c'est hilarant. Mais en même temps, pour moi, les mecs les plus drôles, c'est les vrais fous quoi. Oui. Et donc s'ils sont. Voilà, voilà. J'ai un entonnoir sur la tête. Ça j'aime, ça me fait marrer. Je suis client. Et du coup, si c'est des vrais fous, c'est cool. J'ai hâte d'aller les voir en tout cas. Oui, mais c'est vrai que je suis curieux en spectacle parce qu'ils font beaucoup de vidéos, faut le dire. C'est sur YouTube, sur Insta, ils passent plein d'extraits. Mais en plus, je crois que les vidéos qu'on voit en ce moment, je crois que c'est des trucs qu'ils ont tournés. Ah, des fois, c'est des vieux trucs. Ouais. Mais je crois que c'est que des vieux trucs. Hein. Je crois qu'ils font plus de vidéos, il me semble. Ah bon? Je crois que c'est que des anciens trucs. Ils ont 60 ans quand ils ont non, fait non, mais en fait, là, ils ont vieux trucs. Et tout. Ils ont eu une sorte de retour de hype et du coup, je crois qu'ils postent beaucoup. Je crois. Mais peut-être que je dis n'importe quoi aussi parce que j'ai un entonnoir sur la tête. J'adore ce fou. Excellent Google. J'étais assis à côté d'un fou depuis le début. Ah putain, fallait me le dire. C'est une camisole le mec. Bon bah voilà, écoutez, on a passé 1h20 ensemble. Bah, c'est passé super. Comme ça. Ça m'a fait très plaisir. Ah non, c'est passé tellement vite qu'on n'aura pas d'amende si on se fait flasher. Oh. Bah, allez, je crois que Hey, vous voulez verser du liquide dans un petit truc étroit? Vous prenez mon chapeau. Bah oui, un entonnoir sur le tout. Fais seul tout. Fais seul tout. Pour moi, tout de suite. Fais seul tout. Ouais. Les Arabes. Vous êtes où les Arabes? Ah oui, c'est vrai, c'est seul tout. Ou alors Paris. Paris. M'entends-tu? Je disais non, ça. C'est mon ton cul. Ouais, non. C'est... Ah ouais, c'était. Bon, bref. T'as pas vu seul tout. Ah ouais, c'est pas ça que j'ai vu. Là, de voir les coulisses du podcast, moi qui les ai tous vus. Toi, t'es à Disney là. Ça m'a, ils ont les donuts. Vraiment des frissons. Des frissons. Tu lui as dit que t'es à Disney. Ah ouais, vraiment. Ouais, là, t'es wow. Ah ouais. Je suis derrière quand ils enlèvent les costumes et qu'ils se grattent parce qu'ils ont plein de. Ils fument des clopes. Bah, des ouais. Moi, j'y retourne. Tu vois qu'il a une moustache, le gars, sous son costume. Et tout. Non, ils avaient quoi. Des cas de. Puisqu'ils se grattaient sous l'eczéma, le costume. Non, du... non, non, un truc un peu. La punaise de lit. Quasiment. Non, du Moyen-Âge. La gale. La gale. Ils avaient la gale. Dans les costumes de Disney. Il y a eu cette époque-là. C'est ça, ils mouraient de froid l'hiver et ils mouraient de chaud. Ça, c'est des costumes tellement mal foutus. Non, oui, mais ça, c'est Disneyland du Moyen-Âge. Ça, ouais, les tout petits. Je parle depuis du fond. En 1700 et tout ça, ouais, ils mouraient de froid, les mecs. À Disneyland. Ouais, ouais, ils pouvaient pas tenir deux saisons, les gars. Ils avaient pas le droit d'aller dans la bibliothèque. Déjà, c'était une autre époque. Il faisait moins 40 en hiver. On a plus les mêmes hivers. Tu faisais le train de la mine, tu mourais. C'était une vraie mine, ouais. Le train de la mine, c'était pour aller au taf. Tu prenais des trucs de charbon dans la gueule et tout. C'était horrible, c'était mal réglé et tout. Ouais, non, ça maintenant ça a bougé. Ça a évolué, maintenant c'est costaud Disney. Oh, ouais, t'as les carré, poupées, c'est vraiment des enfants que t'es dans les trucs. Ouais, ouais. Non, non, non. Il y a des matrices, il y a des vrais gens. Il se faisait fouetter. Continue de chanter. Ouais. Continue de chanter. It's a small, small. Et le pire, c'était Space Mountain. Ah bah là. Parce que c'était tiré par des esclaves et tout ça. Et c'était, ouais, ouais, c'était un énorme élastique. Enfin, c'était vraiment une autre époque. Hein. Mais ça avait du bon. Moi, je préférais l'époque. Ah bah, moi, c'était une vraie sensation. Bah, ouais. Parce que tu pouvais mourir dans, le, bah, ouais. dans l'attraction. T'avais le vrai truc. Donc, aujourd'hui. C'était vraiment quand tu partais. Alors qu'aujourd'hui, à cause des woke, bah pardon, Disney, c'est plus ce que c'était. Ah ouais, tout est safe. Il y a des ceintures. Il n'y a plus d'aventure. Il n'y a plus d'accident. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Eric, peut-être je te reverrai plus jamais. Alors j'ai une question à te poser. C'est très possible. C'est une grande chance, donc j'en profite. Ce qui va rouler à 300. Que racontait, parce que t'en as parlé dans plein d'interviews, que racontait le film Moyen Man? Parce que tu as parlé de ce film qui s'est jamais fait avec Michel Hazanavicius. Et je me suis toujours dit, le titre est très drôle. Tu disais en gros, oui, c'était un super-héros avec des pouvoirs moyens, mais qu'est-ce que ça racontait en fait, Moyen Man? En fait, c'était. Il est écrit, hein, il est entièrement écrit. C'est pour ça, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est un gars sur une planète qui, chaque année, une grosse cérémonie pour distribuer des pouvoirs, pour donner à 9 héros des pouvoirs de super-héros. Et donc, Ramzy est choisi, il est en toge et tout ça, et t'as une sorte de grand magicien qui balance un pouvoir à chacun et tout ça. Et moi, je suis dans le public, je suis un mec qui adore avoir un pouvoir. Et je saute et j'essaie de me foutre devant Ramzy au moment où il reçoit le pouvoir. Et on le reçoit à deux. Donc on D'accord. est moyen. Donc on n'est pas nul. Ouais. On est moyen. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui peut voler très haut, mais à 30 km/h, un peu comme une, comme une guêpe. Et un autre très, très vite, mais à 1 mètre du sol. D'accord, très dangereux. Prise aux embouteillages et tout ça. Sublime. Donc, et donc, on leur octroie une ville d'abord en Bretagne parce qu'on ne peut pas leur filer Paris et tout ça. Et au fur et à mesure, ils vont gravir les échelons. Ensuite, ils vont atterrir à Paris, puis ils terminent à New York et tout ça. C'est un film assez cool. Et ben, je suis content d'en savoir plus. Et deuxième chose, notre but, c'est un peu de vous recevoir un jour avec Ramzy. Oh, si tu veux revenir. Ah, ça te fait carrément balbutier. Ouais. il balbutie. Ouais, putain, l'émotion. Eric, il a enlevé son entonnoir. Je retiens l'entonnoir. Il a retiré le chapeau de cow-boy. Alors, si tu veux revenir avec Ramzy un jour, on serait ravis. Mais là, c'est pour un stupéfiant Noël, donc qui est sur Prime Vidéo. Ouais. N'hésitez pas. Je suis trop, c'est ça. Et réalisé. Ah, pas de soucis. Ah bah, réalisé. J'y vais. Bonne soirée. Arthur, ouais. C'est bon. Ah, je suis là. C'est ton poteau de basket. Basket. Swish, dribble. Dans le ballon. Yeah. Il a sifflé. C'est la fin du SA mi-temps. Mi-temps. Que tu as réalisé et que tu as coécrit. On peut citer exactement ton co-scénariste, Pierre Dudan. Et c'est sur Prime Video avec un casting. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est que tous les seconds rôles sont bien servis. Il y a plein de gens qui viennent des fois pour juste une blague et ça fait du bien de les voir. Ça fait plaisir. C'est très généreux là-dessus. Et donc merci beaucoup. Ça me rappelle le film d'un autre petit bonhomme, ce genre. C'est autre chose. Non, il y en a un autre qui arrive. J'ai l'impression d'autres films. Ah ouais, t'as réalisé. Tu vas sortir. Nous les le roi. J'ai un film qui sort en avril. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Nous les le roi. Eh ben tu viendras dans notre podcast. Il a rigolé. Parce qu'on démarre tout simplement. Il a détesté. Nous les Leroy. Ouais, je remets mon entonnoir. Le roi là. Le roi des fous. Le roi des foufous. Ah génial, ok, super. Voilà. Comédie, une comédie j'imagine. Comédie mais plus. Toi merde. Mais tu dénonces. Tendre. Ouais. Comédie sur les sur Disneyland dans les années. Sur le racisme. Ouais. Voilà, sur le train de la mine. Le racisme anti-blanc. C'est sur ça dénonce le racisme anti-blanc. Bah c'est une famille qui accueille des gens. Enfin bon. Moi j'ai joué dedans parce que voilà. Bah faut dégager et tout. Faut bosser. Bah bien sûr. C'est la fin de ma carrière. Tu es pas du tout le mec de Banda Fifi là. Ouais, c'est grave. Grave. C'est pas lui, hein. Non, hein non, non. Non, non. C'est la pire fin de Flutter. Non, parce qu'il y a quelque chose. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. J'ai pas de cheveux, c'est tout. Il y a rien à voir sinon. C'est du racisme anti-chauve, Eric, ce que tu fais. Allez, c'est horrible. Il a pas de moustache du tout. Il a pas de moustache. Ressemblance quand même. Alors, Julien. Ah, tu t'es retourné, bizarre. Oh, j'ai dit alors, Julien. C'est dingue. Il est depuis le début. Il te clash trop là. Allez, épouse-moi, mon pote, vous vous rappelez ou pas le truc là que j'ai fait? Il est pas dedans du tout, je crois. Ok, ouais. T'as cité le seul dans lequel il est pas. Bon allez, on va se quitter. Ça, Larson, ça a trop duré. Ça a trop duré. Ouais. Fais mout mout quand même. Fais mout mout s'il te plaît. Sympa. Grave. Tout ça pendant. Ça va. Non, ça c'est les rats. Ouais, un peu. Ouais, j'ai raté. Bon, allez, bonne journée. Au revoir tout le monde. Salut les gars. Merci, merci. Au revoir. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.